Bonjour et bienvenue au BGS. Bonjour Stetson. Bonjour. Bonjour Monsieur Chauve. Bonjour Luc, bonjour Marc. Bonjour Luc, bonjour Marc. Donc nous sommes en décembre 2009. Il fait froid. 2010. Je sais pas, je suis un petit peu en retard. Il y a du vent, il fait froid. Il y a de la putain de neige. Donc je recommence, nous sommes en décembre 2010. Alias la mer de Blanche. Et c'est donc le numéro 3. 4. 4. Bonjour à tous, la chauve est un petit peu turbulent comme à son habitude. Mais on va pas... on va pas le changer, hein. Il est en train de jouer avec un papier mâché. Voilà, de jouer avec un chat et de faire semblant de me tirer dessus. Alors attendez, je vais occuper le bestiau pour qu'on soit un petit peu au calme pour pouvoir aborder le premier sujet. Donc chauve, voilà. Chauve. Regarde la belle visseuse. Regarde la belle visseuse. Oh, elle est belle la visseuse. Elle est belle la visseuse, hein. Ouais. Bon, cela n'intéresse pas nos auditeurs, mais Chauve joue avec des chats. Pardon. Voilà. Donc prends la visseuse, amuse-toi, laisse discuter les adultes. Merci. Donc, fait très bien les bruits d'effets spéciaux, hein, on a remarqué. Ouais, là je vais avouer, franchement Chauve, tu m'as impressionné. T'aurais pas dû le nourrir. Je ferai un petit montage, je mettrai une musique Star Wars par-dessus. Et... Pardon, on peut y aller. Merci. Je suis fatigué. Oui, il nous semble, effectivement. Donc voilà, bienvenue dans donc, ce numéro 3 du BGS, qui, je l'espère, sera enfin le numéro de la gloire. Carrément. On ne rigole pas, messieurs, merci. On vise aussi haut. On vise aussi haut. Alors avant d'entrer vraiment dans le... J'ai pas vu l'ombre d'une femme depuis qu'on a commencé. Enfin, si, mais pas dû à ça. Donc j'aimerais bien que ça commence à venir. Ça va venir, ça va venir, ne t'inquiète pas. Alors on va commencer... avant de lancer le premier sujet, par un rapide tour de table, si vous voulez, pour juste aborder ce que vous avez fait récemment dans votre vie de petit geek, ou si vous avez quelque chose à dire sur le podcast, ou... Alors, chaud, va par merde, parce que je me doute que c'est ton expression favorite. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Sur le podcast ? Non, non, mais lui, il aime bien le mot merde. Merde. Voilà. Merci, chaud. Stetson, un petit mot avant de commencer ? Mais un mot à propos de quoi ? De ce que tu veux. Ton cul. De... Si tu as quelque chose à dire aux auditeurs, si tu as... Fort, De quoi vas-tu nous parler, par exemple ? Fort développement. De... Petit con. De Gran Turismo 5. Et, enfin, de Gran Turismo et de Gran Turismo 5. On va refaire un peu la... toute la saga. Mini historique, quoi, et puis plus sur le 5. Alors, un petit avis rapidement, bien, pas bien, bof ? Bien, mais pas exemple défaut. Ça, j'ai vu sur la tête, on en reparlera. Que moi, quoi. Chauve, oui, tu n'es pas exemple défaut, non, c'est vrai. Tu n'es même pas. Je pense que j'étais un défaut. Tu es tout seul, Chauve. Mm-hmm. De quoi vas-tu nous parler ? Ou que vas-tu faire ? Non, moi, j'ai pas de sujet, j'ai le jeu de fin de podcast que j'ai préparé à l'arrache. Tu pourrais peut-être t'approcher un tout petit peu du micro, parce que selon les courbes que je vois là, je ne pense pas que les gens t'entendent, tu es au fond de ton siège. Les courbes, j'ai dormi. Donc tu vas nous parler, tu disais ? Rien, moi, je fais le jeu. De fin de podcast. D'accord, qui est ? Un blind test encore. Un blind test, c'est sur... Pour les séries télévisées. Les séries télévisées, les génériques de séries. Ouais. Donc, c'est bien cette zone, il y a un que tu te fasses pas trop le cul pour une fois. Ça peut être pour intéressant. Mais un générique VO, VF ou des génériques musicaux ou... Bah, générique quoi. Parce que c'est ça, oui, mais il y a des différences dans les génériques VO, VF. Voilà, oui. Non, c'est tout. Je vais prendre un exemple flagrant que tu connais sûrement, Prison Break. Le générique de la version française était tout simplement catastrophique. Le générique VO était. Non, c'est tout en anglais. Générique français, c'était un rap un peu merdique. Et... Non, en même temps, ça allait bien avec la série. Non. J'ai pas le temps, mon esprit. Ouais, je me rappelle, non, c'est tout normal. Je suis désolé, mais non, moi, ça passait vraiment pas. C'est parfait, donc moi je vais vous parler en fait, ce sera mon petit sujet là tout de suite, de Leslie Nielsen. rendre un petit hommage après sa mort très récente. Ah, mais j'ai été étonné en visant sa bio, j'ai découvert quand même quelques petits trucs assez étonnants, on en parlera. Vous avez sûrement des souvenirs de films avec lui, enfin plus chauve que Stetson, parce que je crois que Stetson, c'est pas trop ton truc. Pas spécialement. Chauve un peu plus. Tu as aimé ses films, je pense. Hein, c'est leur show. C'est toi le simple. C'est pas si simple que ça en a l'air, cet humour-là. C'est quand même un humour... Enfin, on en rediscutera. Et une dernière petite chose, on va faire un petit peu d'autopromo avant de commencer. Chauve, tu as, il y a quelques semaines, enregistré avec moi un petit podcast sur Kaamelott. Tout à fait. Et avec Monsieur Supermorphal, qu'on recevra un jour ici si il est disponible. Celui-là. Merci. En gros, tu tapes sur chaque fois celui qui est pas là, quoi. Voilà, et... Moi, je tape sur tout le monde. Toi, t'es là, je te dis quand même que t'es un gros connard, quoi. Je vais mettre des bips pour censurer. Enfin non, c'est pas marrant, en fait. C'est plus marrant d'avoir le... Bah, évidemment. Le ça, c'est dit... Barbara Streisand. Barbara Streisand. Oui, c'est vrai que c'est la liberté de ton du podcast. On peut dire Barbara Streisand si on a envie. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sans se faire biper. Non, donc... Bref, on a enregistré un petit podcast rapidement sur Kaamelott. Ça fait une petite heure. Même monté, j'étais étonné, parce que même monté avec les musiques et les sites à la fin, la petite... ça fait quand même... oui, c'est de l'autopromo, je me masturbe, tout à fait. Ça fait quand même environ une heure, donc c'est pas mal calibré. Donc vous pouvez retrouver ça sur le forum, il est disponible dès à présent, ou sur le site Uminoteam, donc umi-no-team.com. T'as pas plus simple, comme nom ? Non, malheureusement. Voilà, donc c'est tout pour... À moins que vous ayez une autopromo à faire, Chauve, un nouvel article sur ton blog, non ? Non, je suppose. Non, j'ai vraiment plus le temps pour le moment. Donc... Donc il glande. Pour une prochaine jeu glande, putain. Chauve glande depuis un jour, depuis un certain temps. Et une dernière image furtive parlant d'un tatouage. Même oui. Pas un article fouillé, hein, c'est juste une image où il met un commentaire, et puis c'est tout. Et ça fait quelques semaines maintenant. Ouais, mais... Il est occupé, le monsieur. C'est un vrai emploi du temps de ministre. Les vacances de Noël approchent, donc j'aurai un peu plus de temps. Non, toi aussi, t'attends les vacances de Noël pour publier. Ouais. Bon, Stetson, donc pas d'autopromo, pas d'autopromo. Projet. Stetson est un glandeur, tout le monde le sait. Exactement. D'accord, bah écoutez, on va rentrer dans un moment. Mini Cooper voilà, de PD, rouge avec un gros L. Orange, s'il te plaît. Orange. Ouais, orange. Elle est sale, ok. Ouais, avec un gros L dessus. Mais n'oublie pas que Stetson est un touriste anglais. Donc, ouais. Qui dit touriste anglais dit voiture anglaise. Bon, la vie... excellente à conduire. Notre vie n'intéresse pas les auditeurs, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez bien, on va entrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Ah. Le sujet, tu sais ce dans que c'est les un sujet films, quoi. Donc voilà, et on va commencer par mon premier dossier, donc sur Leslie Nielsen, alors. Oh, Canada, our home and native land. Je suppose que vous l'avez entendu très récemment. Ça est passé un peu partout à la radio et sur la tournée un peu sur internet. Donc Leslie Nielsen est décédé il y a quelques... Moi j'ai rien entendu, si tu me l'avais pas dit, je le saurais pas. Non, tu ne savais pas? Ah non, mais je vis coupé du monde, moi. Et il est décédé il y a une semaine maintenant, à la date de cet enregistrement, donc il est décédé le 28 novembre 2010, uh-huh. Et à l'âge de 84 ans, en fait, des suites de pneumonie, enfin de problèmes pulmonaires, exactement. Mais c'était HVS normal. Ouais, n'est-ce pas? Alors, juste avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet... De qui? Dans le vif de Leslie. pour vous, qu'est-ce que ça évoque, Leslie Nielsen, tout d'abord? Stetson, je sais que pour toi, pas grand-chose. Des voilà, films un peu cons, c'est chose. Ça Des films un peu cons. Bon, ça, pas de l'humour qui me plaît, mais voilà. Mais tu as... Non, t'as pas d'humour. Tu connais quoi de lui? Parler, y a-t-il... Bah, voilà, ça, et... je l'ai sûrement vu ailleurs, mais... J'ai pas de films qui me viennent à l'esprit, là. Non, t'as pas un film culte avec lui, ou non. Qui t'aurait fait rire, ou qui t'aurait plus marqué? J'en ai vu, hein, mais non, y a pas un film culte avec lui. D'accord. Et Chauve? Qu'est-ce que... Des films bêtes. Quand on parle de Leslie Nielsen, ça t'évoque quoi? Mon adolescence. Tu as des films en particulier qui te viennent à l'esprit? Oui, Baise-moi par les citrous et Viens que je te fouette sale chienne. Non, je ne crois pas que ce soit. Le détonateur. Ah, ça, c'est quand même un immanquable, même s'il n'est pas très connu, c'est quand même... Agent 00. Oh oui, sympathique, mais pas le meilleur. Dont j'ai quasiment oublié toute la trame. Enfin, la trame, c'est un meilleur grand mot. Si on connaît cette trame, c'est pas très... Il y avait Dracula, mais il craignait. Dracula, oui. Pourtant, c'est un Mel Brooks. Bah donc, ouais. Mais Mel Brooks, il n'est pas toujours drôle. Voilà, Mel Brooks n'est pas toujours au sommet de son art, on va dire. Sinon, il y a la série des Yatil, il y en a un petit paquet. Ça, j'ai oublié. D'ailleurs, au passage, j'étais étonné de découvrir le chiffre, parce que j'ai fait un peu comptabiliser grâce à différentes bases de données sur Internet. Mais est-ce que vous saviez qu'en fait, il avait joué dans 239 films et séries? Donc, c'est quand même plus. Un petit paquet. On a fait plus. Parce qu'il a fait énormément de séries. Il ne fait pas des gros rôles, mais il a joué dans beaucoup de séries. Il apparaît dans beaucoup, je vous en citerai quelques-unes d'ailleurs tantôt. Donc voilà, pour moi, Leslie Nielsen, c'est comme disait Chauve aussi, des films bêtes qui ont marqué toute mon adolescence. Hein, le Détonateur, les Yatil, même étonnamment, les derniers Scary Movie où il venait un peu en renfort, sont pas si mal. Ah ouais, on rappelle pas. Les 3 et 4 en fait, il est venu en renfort parce que le 1 a eu un succès, le 2 était un foirage total. Mmh. Et c'est le trio Zaz, donc les Zuckerberg et Abrahams qui ont repris. Et qui ont essayé de relancer la licence, et évidemment, ils ont pris un de leurs acteurs fétiches, qui est Leslie Nielsen. Mm-hmm. Ils ont pris également Charlie Sheen. Ouais, c'est ça, parce que bon, Charlie Sheen, c'est quand même hot shot. Je sais pas si tu les as vus, Stetson. Je crois, ouais, il me semble. Ça t'a pas marqué non plus. Non, ça m'a pas marqué. J'ai une pleure. Pourtant, s'il y a bien une parodie de Top Gun qui est... Ouais, non, je l'ai vu, mais voilà, c'était... Court. Ouais, une parodie tout court, mais c'était pas quand même de Top Gun. Quelle pleure. C'est quand même incroyable. Enfin, je vais essayer de faire une rapide un peu biographie alors du personnage, pour qu'on voit qui est-il, d'où vient-il, qu'a-t-il fait. De toute façon, il est mort. Que fait-il, il ne fera plus grand-chose. Ah, tu sais pas. Hein. Donc, il est né le 11 février 1926 au Canada, à Regina. Bah. Et oui, c'est un Canadien. Bah. Je suis désolé de te le dire, mais beaucoup de personnages célèbres sont en fait canadiens. Hein. Putain, c'est dégueulasse. Et donc, comme vous le savez, il est mort, il est décédé le 28 novembre, c'est plus poli quand même, le 28 novembre 2010, donc, ouais, en Floride, aux États-Unis. Il est décédé en Floride, voilà, il faut qu'on ait des sous. Oui, voilà, il faut qu'on ait des sous, exactement. Le palmier. Alors, donc en fait, tout d'abord, après son service militaire, donc dans son jeune temps, il a commencé en fait comme disc jockey et animateur radio, au Canada donc. Ah, donc ça c'est son premier... Arrête de dire ce mot, ça me donne des frissons, ça me dégoûte. Le mot Canada. Oui, Canada, putain. Excuse-moi. À Calgary, voilà. Ah, tiens, c'est au Canada aussi. Ça. Oui, je sais, mais bon, ça fait rien, moi, c'est le... C'est sale. Voilà, il faut savoir qu'il a commencé comme disc jockey animateur radio, qu'apparemment ça ne lui réussissait pas tellement, il n'était pas vraiment doué pour ce style de show. Donc parallèlement à ça, en fait, il a découvert une passion pour la comédie. Donc, désolé Chauve, mais il a entamé des cours de comédie à Toronto. Oh putain! Mais arrête! Je suis désolé, mais... C'est sa vie, je... Ah bah putain, il fallait le dire dès le début qu'il était handicapé. Et alors, merci... Enfin, je sais pas s'il y a des Canadiens qui nous écoutent, je ne pense pas, mais... J'espère. Canadiens, je les emmerde. Chauve emmerde vraiment tout le monde. Ouais. T'es vraiment à l'arrache, toi. Donc, il entame des cours à la Lorne Greens Academy... Il y a encore des bières? ...of Radio Arts... Bien sûr. Okay. Merci Chauve de me couper dans mon élan. Tu es toujours d'une sympathie extrême. T'en veux une? Non, toi tu bois pas, t'as une tapette, et toi? Oui, allez. Ah, voilà, non. Une petite bière. Ouais. Mais je continue pendant que tu vas chercher des bières. Ouais, ouais, mais si j'entends encore le mot Canada, je te pourrais rien te péter une canne. C'est dire si mon sujet l'intéresse au plus haut point. C'est clair. Ah non, mais j'arrive. Donc, je disais, il entame des cours à Toronto, donc. Au Canada. Putain, toi tu vas t'en prendre une. Et en fait, bon ça va, là maintenant c'est fini, on sort du Canada, rassure-toi. Ah. Donc c'est là qu'il reçoit en fait une bourse d'études qui lui permet de partir à New York, Donner son apprentissage à l'Actor Studio. Ça c'est pas. Quand même, l'Actor Studio, s'il vous plaît, monsieur. Alors ce n'est en fait qu'en 1950 qu'il décroche son premier rôle, et c'est aux côtés de Charlton Heston dans un film qui s'appelle Studio One, dont je pas trouvé énormément, soit que j'ai pas trouvé énormément d'informations. Sans blague. C'est pas des films très... Sans blague. Mais bon, il a quand même joué avec Charlton Heston pour une première. Super. C'est quand même, voilà. Une espèce de vieux fou. c'est déjà pas mal. Hein. C'est quand même un vieux fou. T'as joué avec Charlton Heston, toi, peut-être? Parfois, non. J'ai joué avec, mais pas comme tu crois. D'accord. Merci, Chauve. Donc, en fait, après ça, il enchaîne les rôles à la télévision. Il fait énormément de TV, il n'arrive pas énormément à percer au cinéma. Juste en 1956, il sort avec deux films musicaux. Donc oui, effectivement, musicaux, il a chanté. qui s'appelle Opposite Sex et Vagabond King. Qui n'ont eu aucun succès parce qu'ils chantent en canadien. Qui n'ont eu aucun succès, je n'en sais rien, mais en tout cas, qui ne sont pas arrivés jusque chez nous, ça c'est sûr. Donc maintenant, peut-être qu'aux États-Unis, ça a eu du succès. Stetson, quoi, toi qui es américain. Ah, je suis américain. Faire sortir quelque chose du Canada, il y a des loups, des ours, etc. Là, il était déjà à New York depuis quelques années, maintenant, si tu suis. Ah oui. Ça fait quelques années qu'il est à New York, il a déjà tourné un film en 1950, en 1956, il en refait, il tourne à la télé pendant ces années-là. Voilà. Donc malgré ces deux films-là, qui ont un succès assez relatif, dans les années 60 et 70, il reste cantonné à des rôles dans des séries. Donc il joue notamment dans Le Fugitif, dans Kojak, grande série, dans MASH, pour ceux qui connaissent. Oh, MASH, par contre, c'est... une bonne série, hein. Ouais, plus c'est très grosse audience, quoi. Oui, voilà, c'est culte. Ouais. Donc, il a fait beaucoup de... Mais dans les séries, c'est jamais des très grands rôles. Donc il n'est pas omniprésent à l'écran comme... Oui, parce que ça ne dit rien de... Je ne me rappelle pas de l'avoir vu. Je te citerai à la fin une petite liste de séries dans lesquelles il apparaît, tu serais étonné d'entendre certaines. Alors, il en profite aussi pour s'essayer au théâtre. Il a quand même fait pas mal de théâtre aussi, dans une pièce qui s'appelle Love Letters. Évidemment, on n'a pas entendu parler non plus chez nous, ça c'est pour la petite information. Donc après ça, il enchaîne de nouveau sur quelques films musicaux, pardon. Toujours en canadien. Toujours en canadien. Donc dans le premier temps, c'est un western musical, tout à fait, monsieur, qui s'appelle Gunfight in Abilene, je sais pas comment on dit. Abilene, à mon avis. Je parie que c'est encore un truc d'homosexuel qui mange du pudding. Genre, tu penses à Brokeback Mountain. Oui, voilà. D'accord. Ouais, pourquoi pas. J'aurais pu se penser à Sheriff est en prison de Mel Brooks, mais il n'était pas encore dans cette vague d'humour là. Et donc il fait également un thriller qui s'appelle Night Train to Paris, qui est un titre très original. Alors il fait également plusieurs films dramatiques, qui est L'aventure du Poséidon et Planète Interdite. Et apparemment Planète Interdite, à l'époque, a eu un certain succès même chez nous. Personnellement, je ne le connaissais pas, peut-être un peu jeune, mais apparemment ça a eu du succès, quoi. Alors, c'est seulement après tous ces passages-là et après différents passages au théâtre qu'il connaît enfin le succès mondial avec une comédie assez déjantée de David Zucker qui s'appelle... Dis un pilote dans l'avion. Voilà. T'as dit Zuckerberg tantôt. Je dis Zuckerberg, ouais. Excusez-moi. Ouais. Parce qu'on a parlé de Social Network avant de commencer et ça m'a un petit peu embrouillé. T'aimerais bien que c'était pas ça. Ouais, non, c'est Abraham, c'est Zucker. Pourquoi j'ai dit Zuckerberg? Excusez-moi. Rocky. Donc, ouais, gros fail surtout là, pour le coup. Donc il commence avec, donc voilà, le premier vrai succès mondial avec les Cinesens, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc je suppose que vous l'avez vu. Ouais. Stetson n'en garde pas un souvenir impérissable apparemment. Non. Lui non plus d'ailleurs, il a dit qu'il l'avait oublié. Non. Vous ne te rappelles pas de, mais c'est pas les Cinesens, mais du commandant de bord qui reçoit un gamin dans le cockpit et qui commence à lui parler et puis qui... Non? Qui lui dit, tu aimes les films de gladiateurs? C'est là que ça vient, cette réplique. C'est là que ça vient, cette réplique-là. Je la sors tout le temps, mais je n'avais même pas... Ben voilà, comme ça tu sais, maintenant tu sortiras d'ici moins bête. Ouais. Ouais, ça vient de Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le commandant de bord qui prend le... Tu sais, parfois on amène les enfants dans le cockpit pour voir. Et il commence à lui parler, et il dérive un petit peu, et puis il lâche cette réplique culte. Tu aimes les films de gladiateurs? Moi j'aime. Voilà, donc... C'est vrai que ça a quand même eu un succès assez fort et qu'il y a bon nombre de répliques cultes, notamment celle-là. Moi je me rappelle des affiches de Rocky 53 dans l'aéroport. Ah ça c'est dans le suivant. Si, c'est dans le 2. Je me rappelle aussi ça. C'est dans le 2 ça, Rocky 53. Ah. Enfin, bref, c'est un film complètement déjanté de la série des Yatil. Et vous verrez après que des Yatil, il y en a un petit paquet. Alors ensuite, il a enchaîné en fait de nouveau sur une série des Yatil. Donc dans le rôle du lieutenant Frank Drebin, dans la série des Y a-t-il un flic. Et là il y a vraiment, c'est vraiment l'essor, quoi. Il y a vraiment une star mondiale, je crois qu'on peut même, on peut dire star quand même, ouais, pour le coup, même si les films sont parfois un petit peu discutables à certains niveaux, mais c'est quand même des monuments d'humour. Discutables, oui, de moi même. Oui, c'est pas toujours... C'est pas ce qu'on peut appeler des films à gros budget, ni avec un scénario très élaboré. Non, pas vraiment. Mais c'est efficace, ça fait ce que ça doit faire. Ça fait son boulot. Voilà, ça fait son boulot. Donc bah, vous connaissez, je suppose, les trois. Après, je vais vous étonner parce qu'il n'y en a pas trois, mais les trois, y a-t-il un flic ? Ouais, c'est les titres. Stetson, on va essayer Stetson d'abord. Non, je me rappelle plus des titres. Allez, Stetson. Ah non, bah, ouais, en plus, j'ai la page Wikipédia, mais elle est en anglais, donc je peux même pas tricher. Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Ouais, c'est le premier, effectivement. Y a-t-il un flic à... Y a-t-il un flic à... Tu peux. Ah, c'est pour sauver, toujours. Pour sauver le président ? Ouais. Et pour sauver... Vous avez... Attends, moi qu'un. Là, les auditeurs derrière leur... Jean-Paul II ? Ils sont là derrière. Ah, c'est celui-là, c'est ça. Jean-Paul II. Jean-Paul II, je ne pense pas. Non. Le pop. Hollywood. Ah oui, putain. Et ouais. Hein ? Enfin. Et donc, je vous étonnerai après, parce qu'en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Il n'y a pas que trois, y a-t-il. Mais il n'a pas joué dedans. Après. Si, si. Si. Mais de toute façon, les y a-t-il, c'est un peu spécial parce que les vrais y a-t-il un flic, il n'y a que ces trois-là qui ont été faits par le trio Zaz et qui sont les vrais avec Frank Drebin. Après, toute une série de films sortis avec Leslie Nielsen ou qu'il a pu faire ont porté dans leur titre y a-t-il pour essayer de surfer un peu sur la vague du succès, ouais. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. Donc après, bah, il enchaîne des rôles un peu variés, un peu plus surprenants, je veux dire, parce que ça, je ne le savais quand même pas. Donc par exemple, il a travaillé avec George Romero. Mm-hmm. Qui est assez connu pour ses films de... Zombie. Ah, quand même. Voilà, Stetson a quand même... Moi, je croyais que t'étais un gros connard attardé. Juste un gros connard. Voilà, t'es pas si attardé que ça, en fait. Et donc, le film dans lequel il a joué avec Romero, c'est Creepshow. Je ne sais pas si... Non, ça me dit rien. Non, ça te dit rien. Moi, j'y vais tous les vendredis. Donc, Creepshow. Ouais. C'est pas plutôt... Non, Creepshow. Ah oui. Je n'osais pas le dire. Donc, il a joué avec Mel Brooks. Donc, ça, on sait, hein, Dracula, mort et heureux de l'être. Nul. Voilà, on peut le dire, qui est très très très loin du niveau de ce qu'il a pu faire dans les Y a-t-il un flic, qui est très très loin de ce que Mel Brooks a pu faire dans Spaceball, History World, enfin je crois que c'est sorti avant Spaceball, si j'ai pas de bêtises. Non, après. Avant Robin des Bois, après Spaceball, ouais, effectivement. Avant Robin des Bois, je suis même si, pas si, sûr. Si, c'est avant Robin des Bois, mais c'est loin d'être le meilleur Mel Brooks, hein, franchement. Moi personnellement je l'ai vu, je me suis fait chier de bout en bout. Voilà. Voilà. C'est fait. Et il a joué aussi pour dans un film de Roman Polanski. Ah vous bon savez, le pédophile... Celui qui aime bien les jeunes filles de 13 ans. Parlez de moi. Qui est en Suisse. Et tous les belges. À propos de ça, tu rentres dans du combien, toi? Dans du combien? Je sais pas, moi je rentre dans du 6-1, mais c'est pas... C'est répugnant, chauve. Enfin. Tu abordes ça dans le pays de Marc Dutroux, tu n'as vraiment pas honte. Hein. Enfin, écoute. Il est bien connu d'ailleurs, Marc. C'est un bon pote. Mais il a été injustement condamné. Mais Michael Jackson est innocent. Tout ça se payera un jour, mes yeux de la justice. Marc Dutroux est innocent. On vous retrouvera. Michael, oui, pardon. Michael Jackson est innocent. Marc Dutroux est innocent, on n'a rien fait. Il a juste il a tripoté 2-3 gamins, mais c'est tout. Enfin. Mais donc, non. C'était quel film de Polanski? Ah oui, avec Polanski, excuse-moi, c'est un autre qui me perturbe. C'est Pirate. Bon, mm-hmm. Pas vu, connais pas. De toute façon, ouais. Je suis pas vraiment un fan de. Moi, j'ai déjà vu, j'ai oublié. T'as vu? Ouais, j'ai oublié. Et t'as vu Leslie Nielsen dedans? J'ai pas souvenir. Bah pourtant. Pas souvenance, pardon. Ouais, souvenance, souvenir. S'en fout, à part toi, il y a personne qui parle français ici. Et encore. Bon, après ça, j'en étais où maintenant? Parce que t'es perdu dans tes notes. Même avec son Marc Dutroux et innocent et son délire de... Bof, hein. Tu m'as un peu perdu. Il a joué dans Pirate. Ah oui, non, voilà. Juste après ça, il a décidé d'essayer de faire une petite pause, très petite, vous allez voir, au niveau des films comiques, d'arrêter un petit peu et de se lancer dans une carrière dans le théâtre. Okay. Bon, on va dire que ça, beaucoup de comédiens pensent le faire et essayent. S'y essaye, parce que le théâtre, c'est beaucoup plus classe. C'est classe, voilà, c'est soi-disant un grand art. Francis Huster. Alors, bon, c'est là que hein, on voit que ça n'a pas fonctionné, parce qu'en fait, il a commencé sa pause en 1998. Il a essayé de faire une pièce qui s'appelle Clarence Darrow, et en fait, il n'a pas du tout tardé à revenir au cinéma, puisqu'en 1999, donc même pas un an après, en réalité, sort Le Détonateur. Donc, grand film... J'ai un flingue. Pas ici, sur ma table de nuit. T'as eu peur, hein. C'est une effectivement des nombreuses scènes. Donc, Le Détonateur, pour te situer, Stetson, c'est une parodie du Fugitif, avec Harrison Ford. Ok. Donc où il est. L'histoire, c'est qu'il est en fait un grand. Je ne sais plus son nom dans le film, j'ai un trou. Plus c'est un grand violoniste, mais un grand virtuose, mais je ne sais plus son nom. Qui en fait est accusé justement de du meurtre de Irbin Gudju, c'est ça? Irbin Gudju. Irbin Gudju. Il est accusé justement alors que c'est un borne manchot unijambiste qui est le vrai coupable. Et donc il se retrouve en prison. Et il s'en évade et il vient donc. On s'évade. Je ne sais pas, chauve si tu travailles. Château, vieux. Je l'ai revu pour me rappeler un petit peu des différentes scènes. Et ah, je l'ai revu aussi. Pour ceux qui savent chercher sur internet le détonateur, c'est assez la scène où il se fait arrêter, il est transféré à la prison. Il y a un gros flic, c'est imposant, qui monte dans le bus et puis tu entends. Et maintenant, quelques règles de sécurité. Et tu vois le flic qui fait des gestes façon hôtesse de l'air. Il est interdit de... Vous avez des issues de secours à droite et à gauche. Il est interdit de les utiliser. Sinon, vous serez abattu. Et tu vois qu'il fait des gestes sinon, vous serez abattu. Mais vraiment façon hôtesse de l'air avec le... Sinon, vous serez abattu. Ou alors, il y a une scène... C'est vrai que c'est difficile à décrire en audio, mais il y a une scène où il est dans les égouts, en fait. Il est poursuivi par le flic. Et il se retrouve, en fait... dehors d'une grosse bouche qui débouche sur un barrage, en fait une énorme chute avec un barrage, donc il est là au-dessus perché et le flic est derrière lui. Et alors ouais, je me rappelle de cette ils font un petit monologue en fait qui lui explique qu'il est innocent, etc. Et puis il décide pour s'échapper de sauter et il saute à l'eau, et là tu as le flic qui crie un homme à la mer, et tu entends la musique d'Alerte à Malibu qui se lance, et tu vois des belles naïades courir en maillot avec des hommes, enfin elle est froide. Oui, voilà, qui ose à peine mettre le pied dans l'eau. Et oulala, qu'elle est froide. Tout un muscle. Il y a toutes des scènes comme ça. Pour moi, c'est vraiment. Alors, on parle souvent des Y a-t-il un flic et des Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui sont, c'est vrai, des films assez cultes. Mais pour moi, c'est le film marquant de Leslie Nielsen. Donc, si vous ne l'avez pas vu, cherchez Le Détonateur. Qui, d'ailleurs, voilà pour l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure. Chauve, s'il te plaît, et d'être si discipliné. Donc, pour l'anecdote que je vous parlais tout à l'heure de la série des Y a-t-il. Ce film est sorti en Europe sous un autre nom pour essayer de faire un peu vendeur. Chauve, tu sais peut-être. Y a-t-il un fugitif à bord ? Voilà. Y a-t-il un fugitif à bord ? Donc ça, c'était vraiment pour surfer sur la vague, parce que. Donc vous pouvez le trouver sous les deux noms en fait. Il se trouve en DVD sous les deux noms avec deux pochettes différentes. Et... Ouais, bon. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la série des. Y a-t-il, quoi. Merci Chauve. Je crois que c'est très désagréable pour les oreilles des gens. Ça pique pas. Non mais quand tu l'entends, à mon avis, ça doit être... Les gens, je les emmerde, j'ai déjà dit. Donc après ça... J'espère avoir des fans. Bien sûr. Après ça... Il y en a qui aimaient les gros bourrus. J'ai un flingue. Oui, mais il faut... Chauve, j'ai un flingue. Pas ici. Sous ma table de nuit. J'ai eu peur. T'as eu peur, hein. Il y a notamment une scène, dernière petite scène pour l'anecdote, parce qu'elle m'a marqué aussi, Chauve s'en souvient sûrement, c'est la parodie de Mission Impossible, où il se retrouve dans l'hôpital et il doit atteindre en fait un ordinateur qui est super bien gardé. Et oui. Il passe par les bouches d'aération. Il descend avec des câbles. Il descend avec il descend avec tous les câbles. Et en fait, d'ailleurs, t'as les rayons laser de l'ordinateur en dessous forment une étoile juive. Et il se balance le long des câbles. Et quand il arrive à l'éteindre, on entend Shalom. L'ordinateur, il dit Shalom. Et puis, il va taper sur l'ordinateur pour récupérer les dossiers du bon manchot. Il y a une petite goutte de transpiration qui rattrape avec sa main. Là, c'est... Ah oui, là, c'est un yo-yo, c'est des mentos, c'est une boîte de tic-tac. Il fait de la pub en passant, il montre bien. Il joue avec le yo-yo. Et alors, après ça, il va à l'ordinateur pour essayer de récupérer les informations sur la bande manchot unijambiste. Donc il fait la recherche, l'ordinateur lui dit tapez le login et le mot de passe. Donc il tape login, password, déjà ça rentre, c'est la première chose. Puis ensuite il tape bande manchot unijambiste, l'ordinateur lui sort, il lui demande imprimer, il fait yes, l'ordinateur lui dit c'est tout, il dit oui, l'impression se lance, et puis l'ordinateur commence à lui poser des questions. Et sinon, à part ça, ça farte. Et c'est Nissan qui lui répond juste imprimer, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Connard. Et puis il lui lance le papier. Bah, c'est des scènes comme ça, c'est complètement. C'est très con. C'est un humour débile, il n'y a pas d'autre mot, mais. Que j'adore. Mais ça vous plaît. Voilà, qui est assez, assez plaisant. Alors, bon, avant la suite, je reprends un petit peu, une petite gorgée parce que je me dessèche. Bon. Donc, après ça. Il a décidé de s'essayer en fait à la production avec un film. Donc vous allez voir que les Y a-t-il, c'est pas encore fini. Un film qui s'appelle Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité. Donc alors pour le coup, il faut savoir que ça n'a absolument de nouveau rien à voir avec le lieutenant Frank Drebin. Leslie Nielsen joue le rôle principal, hein, il joue le rôle du flic. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la série des Y a-t-il avant, du trio Zaz. C'est lui qui le produit lui-même. Et alors avec lui, il y a un second rôle absolument énorme, une actrice hors norme. Chauve, une idée ? Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité ? Non ? Tu l'as sûrement pas vu, c'est une bouse infâme, donc il faut pas le regarder. Non, mais il y a une actrice avec lui qui est une actrice, mais franchement, mériterait presque des Oscars. Non, ça ne vous dit rien ? Non. Elle s'appelle Ophélie Winter. Ah, ah oui, oui. Voilà, oui. Donc, ça dit un peu le niveau du film. Hein, donc le premier rôle féminin... Quelle méchanceté avec Ophélie Winter. Mmh. Franchement, c'est pas ce qu'on peut appeler une actrice. Quoi. Désolé, c'est salope, mais... qu'est-ce qu'elle mérite. Voilà, quoi. Il a pris une blonde... Elle est trop vieille pour toi. Il a pris une blonde à forte poitrine, quoi, en fait. C'est tout. C'est ce qu'il voulait, à mon avis. Donc... Bon, on passe sur ce film-là parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein, à part la présence exceptionnelle d'Ophélie Winter, il est pourri. Ouais, d'ailleurs, le site que j'avais copié ici, il s'essaie aussi à la production avec le désopilant « Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité ?» Bon, désopilant... voilà. Alors après, c'est David Zucker, en fait, qui vient le rechercher. Donc, pas Zuckerberg ? Non, Zucker. Ça va. Qui vient le rechercher, en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. 30 secondes. Un gueule. Je couperai ça en montage. Mais il dormait en golf, il allait aboyer. Bon, où on le sera, ça fait plus vrai. Mais il allait aboyer, là, ça bête. Bon, c'est moi t'avoir fait mal. Donc, je disais, il revient, en fait, à ses premiers amours. Donc, David Zucker vient, en fait, le rechercher pour relancer un peu la saga des Scary Movie. Donc en fait, il faut savoir que les Scary Movie, à la base, ça a été créé par les frères Wayans, si je ne dis pas de bêtises. Ah. Le 1 était potablement réussu dans son domaine. Oh, il était bien, marrant. C'était une bonne parodie, il était marrant. Ouais. Le 2 allait un peu dans l'humour pipi-caca et il se foulait pas trop, pour en venir. C'était pas passionnant. Donc devant le foirage, on peut dire, du deuxième, les producteurs ont décidé de confier à Zucker la reprise. Pour faire Scary Movie 3 et Scary Movie 4. Et donc il a été recherché ces deux acteurs fétiches, hein, qui sont Leslie Nielsen et Charlie Sheen. Et il faut avouer, parce que je les ai revus après coup, je les ai regardés pour mon sujet, il faut avouer que Scary Movie 3 est pas mal, s'en tire pas mal avec les honneurs. Le 4 un peu moins quand même, mais le 3 franchement... C'est un petit peu vague dans mon esprit les différences. Il me semble avoir déjà vu Shaquille O'Neal dans Scary Movie. Ça c'est dans le... Je ne sais plus dire. Je crois que c'est. Je ne sais pas dans le 2, Shaquille O'Neal. Le moins terrible de tous. Enfin. Bref, mais le 3, franchement, et le 4, j'ai pas vraiment. Je faisais autre chose en même temps, parce que je dois avouer que je me suis un peu fait chier. Mais le 3 était raisonnable, on va dire. Donc Scary Movie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des parodies de films d'horreur. Parodies des Scream et autres. Ouais. Je crois que les geeks, ils savent ce que c'est. Je crois aussi, mais bon, on ne sait jamais. Alors après, le. Là, j'arrive au dernier film dans lequel il est apparu chez nous. Le dernier film à être sorti avec lui en Europe. Alors là, ça, c'est quand même le plus phénoménal de tous. Et j'ai eu du mal à le trouver, celui-là. Oui, je me suis farci des films pour mon sujet, monsieur. Moi, j'approfondis les choses. Je regarde même des films de merde. Évidemment, quand on est en certificat médical depuis 2 semaines. Il n'y a pas de certificat médical. Hein. Ouais, pardon. J'en ai pas besoin. Bon, bref... Donc dans les derniers films apparus chez nous, et pour vous montrer jusqu'à quel point on a poussé les y a-t-il pour essayer de faire vendre, c'est le film s'appelle La Castagne 3, y a-t-il un joueur pour sauver la Junior League ? Ah oui. Ça vous inspire ? Putain, encore un truc de baseball ça. Hein. Et alors attention, parce que quand je vais vous lire un peu, enfin le speech, je vais vous expliquer, parce que je l'ai vu, vous allez encore plus tomber des nues. Donc en fait c'est la suite d'un remake, d'un film sur le hockey qui datait de 1977, donc avec Paul Newman. Donc, en 1977, il y a un film sur le hockey avec Paul Newman qui sauve une équipe junior d'un petit bled paumé qui est sorti. Ils ont fait un remake en 2000, je ne sais plus la date du remake, 2003-2004. Et ça, c'est la suite du remake. Wow. Et l'histoire, attention, accrochez-vous bien, dans ce film, les frères Hanson, donc oui, les chanteurs, les trois frères, doivent sauver une équipe de hockey junior locale. Super. Voilà le pitch du film. Mais les y a-t-il, on dirait que c'est un truc typiquement français, t'as remarqué ? Parce que dans les films... Ah oui, non, c'est tout à fait, c'est ce que je te dis, c'est ils ont sorti ça sur ces titres-là chez nous. Ouais. C'est pour faire vendre, parce que y a-t-il un pilote dans l'avion a eu un succès, y a-t-il un flic ? Et après ça, ben, ils ont sorti une pelletée sous ce nom-là pour faire vendre, mais ça n'a aucun rapport, ça n'a absolument rien à voir. Là, pour le coup, La Castagne 3, le y a-t-il, c'est vraiment un sous-titre pour montrer, il y a Leslie Nielsen et... Ouais. Voilà, quoi. Mais bon, l'histoire, voilà. Et je dois vous... Hanson, putain. Oui, je dois vous dire que les frères Hanson ne sont pas très bons comédiens. J'ai pas vraiment été séduit par leur jeu. Je vais faire une bonne idée, je vais faire un petit montage et je vais mettre la musique. Pardon. Là, je mettrai la musique. Une idée chauffe. Je mettrai la musique de Christ lors du montage. Évidemment, je ne recommande pas ce film. Ça, vous vous en doutez. Hein. En plus, Leslie Nielsen n'est là que pour... Chauve. S'il te plaît. Quoi ? Chauve, s'il te plaît. Ah, pardon. T'es parmi nous. Donc, je disais, je ne vous recommande évidemment pas ce film-là. Ouais, non. Ça, vous vous en doutez. Et Leslie Nielsen n'est là que pour... Faire valoir. Voilà, exactement. Et pour qu'on puisse mettre le titre Y a-t-il, essayer de faire un peu vendre... un film de merde. Mais moi je vois qu'il a fait deux autres films après ça. Attends, j'ai pas fini hein. Ah, parce que t'as dit c'était le dernier film. C'est pas le dernier, j'ai dit les derniers dans lesquels il a paru chez nous. Et encore... Chez nous, mais les deux autres ils ont. Non, tracasse pas. Justement, j'ai pas fini. Donc après ça, encore chez nous, j'ai pas fini hein. Tracasse pas. Il a également fait Super Hero Movie. Tu l'as peut-être dans ta liste d'ailleurs. Non, moi j'ai Spanish Movie et Stan Helsing. Ah ouais, bah, ils sont après ceux-là. Ils sont pas sortis en français ceux-là. Par contre. Ah bon ? Non. Alors donc il a fait Super Hero Movie, qui est une parodie, donc comme son nom l'indique, de films de super-héros, un peu dans la veine Scary Movie, Big Movie et autres movies à la con. Donc là franchement, je l'ai regardé récemment, c'est passable. Non, c'est passable. Tu souris à certains moments, tu repères les références, c'est marrant, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Casse pas trois pattes à un chauve, n'est-ce pas ? Donc ce film-là date de 2008, hein. Un film de Craig Mazin, bon, ça... ouais, sans grand intérêt, franchement, c'est très pas ça. Si vous voulez honnêtement le voir, téléchargez-le, c'est un conseil. Là, surtout pas l'acheter, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ouais, non, mais il n'y a pas de risque. C'est... faut pas dépenser ses pépettes pour ça non plus. Et si vous voulez, je l'ai ici à disposition, donc faites-moi signe, je vous l'envoie. Une copie légale, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Alors après ça, donc il a encore tourné dans deux autres films, tu vois que j'y arrivais, hein, monsieur Stetson. Hein. Mais eux qui ne sont pas sortis chez nous. Mais c'est bizarre parce que Spanish Movie, il me semble l'avoir vu. Ah, Spanish Movie, c'était avant. Ah oui, je ne l'ai pas cité celui-là, c'était avant. Excuse-moi. Bon, il est écrit après. Autant pour moi. Donc. C'est sorti ici, ça, non ? Il y a. Bonne question. Fais pas chier. Ouais, tu fais chier ton monde là. Et j'essaye de... d'interagir avec toi vu qu'il glande. Mais il glande toujours, lui. Il est là pour faire le con et. C'est l'aspect comique du truc. Exactement. Il n'a aucune profondeur. Ah. Tu comprends ? Ouais. Faut aller le chercher, mon comique. Donc, c'est un comique de répétition, en plus. Il n'est pas nécessairement très inspiré. Bah, vas-y, chante Hanson, connard. J'arrive à la mire de mon sujet, donc si tu permets, je vais avancer, parce que je suis à la bourre. Donc, il a joué dans American Carol. Le titre vous inspire ? Chauve ? Non. Chauve ? Oui, quoi ? American Carol. Alors, je vais vous faire le synopsis rapidement. Un réalisateur anti-américain et cynique part en croisade afin de supprimer la fête du 4 juillet. C'est alors qu'il est harcelé par des fantômes du passé qui l'emmèneront découvrir le vrai visage de l'Amérique. Oh, Seigneur. Donc, bon, voilà. Hein. C'est quand même réalisé par David Zucker. Hein. Il faut quand même le noter. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, d'après ce que j'en ai lu, ça n'a pas l'air terrible. Et ensuite, là, c'est... D'après ce que j'ai, moi, vu, c'est son dernier rôle, normalement. Ce dernier rôle qu'il ait fait, c'est dans Stan Helsing. Rien que le titre, on sait que c'est de la merde. Quoi. Voilà, tout à fait. Alors, celui-là, je l'ai vu. Bon, en anglais, parce qu'il est disponible en anglais, mais je l'ai quand même vu, je l'avoue. Donc, en fait, il joue deux petits rôles là-dedans, très passables. C'est, en fait, il joue le... Tu veux, dans l'histoire, c'est très rapidement. Hein, c'est un moment où des jeunes vont dans une sorte de complexe très protégé pour aller faire une fête costumée. Il joue le gardien à l'entrée, qui est très spécial, bon, qui est dans son humour, mais... C'est pas très marquant. Et il joue le rôle d'une serveuse. Oui, une serveuse, oui, notez bien. Il a une robe, il a tout ce qu'il faut, des faux seins, une perruque. Il joue le rôle d'une serveuse. Donc, mon avis personnel sur ce film, il apparaît très vieux, très vieilli. Il apparaît déjà très vieilli. On voit déjà qu'il a un certain âge et que ça ne lui réussit pas. Et il parvient pas à sauver le reste du film du désastre. Quoi. Ses apparitions, font quand même sourire parce que c'est Leslie Nielsen et parce que c'est son style d'humour. Mais le reste du film... C'est de la merde. Voilà quoi, ça passe son temps à faire des gros plans sur les nichons d'une... d'une des femmes qui est déguisée, pour le coup, en indienne, mais habillée très court. Et... Voilà, plus que... on voit, je sais pas, si on voit pas 30 plans sur ces nichons sur le film, on n'en voit pas un, quoi. Donc c'est passable aussi. Donc alors, rapidement, ça je vais sur la fin de mon sujet. Concluons. Je vais citer donc quelques titres de films que j'ai gardés, qui pour moi sont dans ses plus mémorables, on va dire, ou dans... Enfin, pas toujours dans le bon sens, pas dans ses mémorables, dans... toujours dans le bon sens, mais qui sont les plus connus chez nous. Donc, rapidement, donc en 1980, y a-t-il un pilote dans l'avion ? 83, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ? Où là, il ne fait que des apparitions, qu'on fait des flashbacks, il n'est pas vraiment présent dans le film. 88, y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 90, y a-t-il un flic pour sauver... y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, pardon ? Qui n'est pas super connu, mais que j'ai vu et qui est quand même très réussi. Parodie de l'exorciste, vous vous en doutez. Donc tu vois, les y a-t-il, ça s'arrête pas là. 91, y a-t-il un flic pour sauver le président ? 94, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? 95, Dracula mourut de l'être. Bon, ça c'est pas Sam. Passons plutôt, c'est de la merde. 96, Agent 00, qui n'était pas du trio Zaz pour le coup, mais que je trouvais marrant personnellement. 98, Le Détonateur, qui pour moi reste un de ses meilleurs, si pas le meilleur. 2000, y a-t-il un flic pour sauver l'humanité ? 2000 à nouveau, mais ça uniquement en TV, et moi ça m'a marqué, personnellement j'avais bien aimé, c'était Le Père Noël a disparu. Ça n'a pas du tout à voir avec l'humour habituel, mais c'est un sympathique téléfilm de Noël, je trouvais. 2003, Scary Movie 3, 2006, Scary Movie 4, 2008, Super Hero Movie. Donc ça c'est vraiment, je veux dire, le gros, on va regarder de sa carrière. Et alors maintenant, quelques séries dans lesquelles il est apparu. Que vous voyez un peu, je vais pas les citer toutes parce qu'il y en a qui ne sont pas connues chez nous, parce que Tales of Tomorrow par exemple, moi ça me dit rien du tout. Moi non plus. Donc il est apparu dans Alfred Hitchcock Présente, moi je connais, je sais pas si vous savez ouais, quelque chose. Les Incorruptibles, Le Fugitif, Peyton Place, Les Mystères de l'Ouest, Bonanza, Hawaii Police d'État, Columbo, MASH, Les Rues de San Francisco, Kojak, je l'ai déjà dit non ? Ah non, j'avais dit avant. Kojak, Kung Fu, L'Homme de Fer, La Croisière s'amuse, L'Île Fantastique, Arabesque, Madame est servie. Oh putain, il les a fait toutes. Ouais, il a fait un petit paquet. Hein. Et bon, d'autres qui sont un peu moins connus aussi, on va dire. Mais tu vois, à chaque fois... Il me semble l'avoir vu dans Scrubs aussi, mais pas pour un tout petit rôle. Hein. Ah ouais, c'est pas impossible. Parce que Scrubs, c'est vrai que c'est quand même assez déjanté aussi dans le style. Mais tu vois, par exemple, Alfred Hitchcock Présente, il a fait 2 épisodes. Le Fugitif aussi. Mystère de l'Ouest, il a fait 1 épisode. Bonanza aussi. Enfin, c'est vraiment Columbo, 2 épisodes. C'est à chaque fois... on est au guest star. Des apparitions, au guest star. Et alors, pour terminer, j'ai juste relevé 2 petites anecdotes. Sur sa vie privée, entre autres, et ouais. Bon, il a rencontré Lanson. Il a rencontré Lanson, quelle chance. Non, il a été marié 4 fois et a 2 filles. Enfin. Et alors, attention, Chauve, tu vas hurler, mais son frère... Eric Nielsen a été vice-premier ministre du Canada. Ah ! Donc c'est un Canadien pur jus, monsieur. Putain, quelle dégueulasserie. Est-ce que tu dis ça de Michael J. Fox ? Putain, Michael J. Fox, en plus, j'ai tout... Pour les auditeurs qui ne le voient pas, Chauve a fait une main qui tremble. Il ne sait pas servir le thé sans éclabousser ses invités. Enfin. Non, c'est une saloperie aussi, D'ailleurs, Michael J. Fox, je sais pas si t'avais vu, il avait refait le trailer de Retour vers le futur. Non, j'ai pas vu. En tremblant. Le trailer était sorti en 85, si je ne dis pas. Non, après 80, enfin je ne sais plus. Mais il y a eu un anniversaire il n'y a pas longtemps. Et oui, voilà, il y a eu les 20 ans. Ils ont ressorti. Bah, oui, il y a eu les 20 ans, donc c'était en 90. Ouais, enfin bref. Ouais. Et ou peut-être que c'était en 85 et c'était 25 ans. Je sais plus, enfin soit je le retrouve, j'ai un trou. Honte sur moi d'ailleurs, parce que j'adore cette saga. Moi aussi. Mais il a pour le coup refait le même trailer, mais comme si Retour vers le futur était tourné à l'heure actuelle, en version actuelle. Et c'est vrai qu'on voit qu'il a du mal. On voit qu'on le limite. Heureusement les scènes où il apparaît dans le trailer sont très limitées parce que sinon on voit qu'il a un peu du mal et qu'il a pris un coup. Bah, s'il n'était pas canadien déjà. Alors après... Il n'y avait pas une dégénérescence cellulaire. T'as chaud, oui, franchement, là, t'es... Pourquoi on s'en fout des Canadiens, putain, c'est pas comme si c'était de vraies personnes. Il y a vraiment temps que je télécharge un bruit de fouet pour le flageller pendant le podcast, parce que... Bah allez, c'est des Canadiens, c'est pas des vrais gens. Ouais, j'aime bien hein, les Canadiens. Ouais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup c'est... de Canadiens célèbres, assez... Pue, et puis, moi, j'aimerais bien aller... Quel accent, t'as pas... D'aller au Québec... venant d'un Belge, tu vois. Bah ouais, bah voilà, attends, l'accent québécois est plus prononcé. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça, je ne dis pas, mais bon... Ça, c'est un autre débat. Alors, il a aussi écrit donc son autobiographie. Bon, ça n'a encore fini, ce truc. Mais je t'emmerde. Si je t'emmerde, tu le dis. Là, je m'en The vais. Naked Oath. Tu as dépassé ton tas de mire. Tu l'as ? Non, tu mais je... c'est ça, non ? Vas-y, redis, ouais. The Naked Oath. Je sais pas comment ça a été traduit. Je sais pas comment ça se prononce, non plus. Bah, vas-y. Alors, le slogan, tu connais le slogan. J'ai pas compris ce que tu disais. De quoi non, t'es mais c'est la vérité nue en gros, ça se traduire comme ça très simplement. Ouais, mais c'est pour par rapport à ces films. Mais alors, juste comme ça, tu sais le slogan qui est écrit sur le bouquin où tout est absolument vrai sauf ce qui est, que tout est faux. Je recommence. Où tout est absolument vrai sauf que tout est faux. Ouais. Voilà, pour une autobiographie, c'est pas. Et alors, dernière anecdote, il y a une quatrième aventure de l'inspecteur Frank Drebin, donc Beatty Flick, qui était en préparation depuis 2009 en fait. Donc apparemment le scénario est déjà écrit et il était déjà prévu. Faudra juste changer d'acteur. Mais non, Morgan ne verra jamais le jour plutôt. C'est, apparemment ça a été... ils ont annulé l'idée. On l'a enterré dans une fosse commune au Canada ou... Je ne sais pas, je trouve ça c'est le genre de détails que, que je n'ai pas. Donc, enfin voilà, donc il y avait une... faut savoir qu'il y avait un quatrième film qui était prévu. Et vraiment cette fois-ci dans la continuité des histoires. Par contre, le y a-t-il, qu'est-ce qu'il allait sauver cette fois-ci? Le Canada pape. Peut-être. Le pape. Comme tu dis si bien, je ne vois que ça. Le Canada. Enfin voilà, donc j'ai quand même bien fait mon temps là, donc j'arrive au terme de ce dossier. Un dernier petit commentaire, Chou. C'est ton commentaire sur la carrière de Leslie Nielsen. Ouais. C'est tout. Ouais, et on somme. T'as même pas un petit dommage, on ne le verra plus. Bah si, mais... Vu ce qu'il a fait dernièrement. Voilà, depuis quelques c'est années, ça, quoi. Il moi, chose. J'aimais bien... c'était surtout il y a quelques années que j'aimais bien. Quand j'avais 16 ans. Ouais, mais... bah, quand j'en revois, j'ai vu le détonateur il y a pas longtemps, je me suis bien marré. Voilà, tu les revois quand même avec plaisir, mais c'est vrai que ce qu'il a fait après... Sinon, voilà, c'est dommage, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Quoi. Ouais, non, surtout que c'est un Canadien, c'est ça. En plus. D'accord. Stetson, commentaire. Non. Il a fait beaucoup de merde dans sa vie, on va dire. Mais il a fait de bons films. Mais... Il a fait, en fait, tous les films qu'on ne connaît pas ici, qui ne sont pas sortis en Europe ou qui, apparemment, étaient la plupart, ont des bonnes critiques, du moins ce que j'en vois sur Internet, sont bien cotés. Donc, il a quand même fait de bonnes choses, mais c'est vrai que nous, on a surtout vu le côté parodique et les grosses bouffes. Oui, c'est à ça qu'on s'en rappellera ici. Ouais, c'est vrai que le problème, c'est qu'on s'en rappellera ces dernières années pour des grosses bouses lamentables, où il est là juste parce que pour avoir le nom sur l'affiche, quoi. Mais bon. Voilà. Puis moi, juste un commentaire, moi, dans mon fallait esprit... bien qu'il gagne sa vie. Dans mon esprit, Leslie Nielsen, c'est un acteur qui... un de ces acteurs qui a toujours été vieux. Il y a quelques acteurs comme ça dans ma tête qui n'ont jamais été jeunes. Leslie Nielsen fait partie de ceux-là. Il a été vieux du début à la fin de sa carrière. Et... enfin, il a connu le succès très tard aussi, donc... Bah oui, il était déjà vieux quand même dans les premiers Y a-t-il, non ? Ah oui, bah oui, comme je te dis, il est né en 1926 et les premiers Y a-t-il, ça date de 1980. Donc, ah oui. Il avait donc, des... ouais, il avait quand même. Ouais, non, je pense même plus 50... jeune que ça. Il a comme 54 ans, quoi, premier Y a-t-il. Oui. Donc, il a quand on l'a connu, il était vieux. Voilà, c'est le succès. C'est Y a-t-il un pilote d'avion, c'est son premier succès, donc 54 ans, quoi, le bouc. Donc voilà, donc pendant que Chauve est en train de danser sur Les Hanson. Dans ma tête. Que j'ajouterai au montage. Donc, tu n'auras pas l'air ridicule, même si les gens ne te voient pas danser. Faudra que j'installe une webcam un jour pour. Ouais, juste pour lui. Parce que, ouais. Juste puis t'achèteras dans Central et voilà. Bon, ben maintenant donc on va passer au sujet de notre ami Monsieur Stetson. Donc tu vas nous parler de Gran Turismo, c'est ça ? C'est ça. Retour un peu sur la saga et sur le Gran Turismo 5. Ouais. Il y a des courses au Canada, j'espère. au milieu des détritus. Des cadavres en décomposition. Ah oui, c'est comme ça que tu vas le Canada. Ah oui. Okay. D'accord. Mais ça va, pas de problème. Allez, sur ce, la peste. Jingle. Ladies and gentlemen. Please silence. This is the info I like. L'info à la con. C'est l'info à la con. Donc, pour cette première petite interview d'Alacon, c'est juste une info que j'ai trouvée sur Note qui date un petit peu, mais j'avais envie de vous en parler depuis bien longtemps. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, c'est l'ONU qui a décidé en fait de comment est-ce qu'on dit pour un ambassadeur ou une ambassadrice de nommer voilà, merci, une ambassadrice pour les extraterrestres. Ouais, j'avais voilà, putain, quel connerie. Quand je vous dis que c'était une interview d'à la con. Donc en fait c'est une canadienne, tu peux. Non, mais elle a un titre bien amusant en plus, hein. T'as pas le titre officiel? Attends, déléguée aux relations extraterrestres. Elle est malaisienne. Voilà, c'est déjà tout quoi. Attends, je retombe sur le titre parce que je ne l'ai plus. Donc elle s'appelle Mazlan Othman. Ils auraient pas pu prendre un être humain au lieu d'un malaisien. Et une malaisienne s'il te plaît. En plus quoi, une femme. Bah. Alors bon, je vais essayer de retrouver vite le titre parce que c'est vrai que Stetson, tu. Mais alors, un commentaire spécial là-dessus franchement. Dans l'optique du on n'a jamais trop prudent, ok, mais c'est encore une femme qui va aller chercher 12 000 euros de salaire mensuel pour se foutre un doigt de. Enfin, voilà. Mais ouais, encore 12 000, je suis gentil. Ouais, à mon avis, c'est un petit peu plus. Hein. Stetson, un commentaire Non, j'ai pas de commentaire. Je me rappelle d'avoir entendu la news, mais. Je me rappelle que le titre était amusant et je crois que son job, c'est que s'il y a des extraterrestres qui viennent, c'est à elles qu'ils doivent aller parler ou c'est elle qui est la relation entre le gouvernement et eux. C'est exactement. Putain, ça. Mais ils sont complètement fous. Donc voilà ce qu'elle a déclaré. La recherche de communication extraterrestre menée par plusieurs entités porte l'espoir qu'un jour l'homme reçoive des signaux émis des extraterrestres. Super. Nous devions avoir une réponse coordonnée qui prenne en compte toutes les sensibilités liées à ce sujet. L'ONU est tout à fait opérationnelle pour une telle coordination. Bah, je peux déjà dire que ma sensibilité n'est pas respectée, puisqu'une malaisienne, franchement, j'aurais préféré un être humain. Et tu n'aimes pas les Canadiens, tu n'aimes pas les Malaisiens. Ah, putain, j'aime personne. Il n'aime pas les Français. J'aime personne. Donc, je n'ai plus le titre exact, Stetson. Si tu le retrouves, tu le posteras dans le billet ou sur le forum. Mais donc, voilà, c'était l'info, la minute à la con. On applaudit l'ONU. Bravo l'ONU et merci pour cette et pour dépenser surtout Mais c'est très important maintenant que la NASA a découvert l'ADN alien, hein. tu te rends pas compte quoi. Super. Surtout qu'à mon avis, d'ici à ce que des extraterrestres débarquent, elle sera morte. Donc elle n'aura pas servi à grand chose, elle n'aura pas fait. Non, puis j'aime bien l'idée qu'ils doivent savoir qu'ils doivent aller lui parler à elle, tu vois. Oui, aussi, si les extraterrestres se présentent, il faut qu'elle. On va se faire péter la gueule ainsi. Amenez-moi à votre chef. Attendez, C'est elle. Allez en Malaisie. Attendez, on appelle Jakarta. Ou Bangkok. Non, Bangkok, c'est en Thaïlande. Non, je trouvais ça un petit peu. Malaisie. Jakarta, c'est en Indonésie, je crois. Malaisie, ouais, ouais. Je sais plus ce qu'il y a. Enfin voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc maintenant, on peut voir en Malaisie, c'est occupé. On va pas s'éterniser là-dessus de toute façon. Non. On reparlera. Si vous voulez, on fera un sujet là-dessus d'une heure, une fois. Un podcast spécial sur les extraterrestres. Donc maintenant, Stetson, c'est réellement à toi. Donc, tu vas nous parler de Gran Turismo. Et pas trois quarts d'heure. Hein. 40 minutes. Yes. Here we go. Here we go now. Here we go now. 1-2-1-2, the Atari crew. We're geeks. We're geeks. Here we go now. Geeks, geeks, yo, yo. Hello, hello, hello. When I get home, I play on my computer. If my mum interrupts me, I'm gonna shoot her. I like drinking coffee and it's money when I slurp. It really makes me laugh when I do a bottom burp. I've got a lot of friends, I met them on the net. I've got a Tamagotchi and I keep it as a pet. Favourite game is Snake on my mobile phone. I'll never have a girlfriend cause I always live at home. I don't like rugger cause it gets a little rough. I'm allergic to everything including cheesy. Donc, je vais vous parler de Gran Turismo. Gran Turismo 5 et un petit récapitulatif sur l'histoire de Gran Turismo. Alors, désolé, mais le show est un petit peu déconcertant. Oui, il est un peu perturbant ce soir. Oui, ce soir, on peut aller. Il est 15h40. Oui, mais bon, il fait nuit. Donc, ici, dans le Grand Nord de la Belgique. Nous vous rappelons que Kirby habite à l'est de la Belgique. Un coin où... Les loups et les ours sont encore à l'ordre du jour. Ah, mais jour, on voit la neige arriver sur la fenêtre. Un vent malade. Ça et caille. Donc, GT, voilà. Une série créée par Polyphony Digital et Kazunori Yamauchi. Moi, ça va m'intéresser un petit historique parce que il faut que je me remémore un peu certaines choses. Donc ils n'ont pas commencé par Gran Turismo, ils ont commencé par deux jeux qui étaient des jeux contrat pour Sony qui étaient censés être des genres de Mario Kart. C'était Motor Toon Grand Prix. Il y en a eu deux. Ça a pas excessivement, vous vous en rappelez pas, donc c'est que ça a pas excessivement marché. Hein. Et puis. Je ne dis rien du tout. Ben, voilà. Mais c'est les deux premiers jeux de Polyphony Digital. Et ensuite, il avait déjà l'idée avant de créer une simulation pour console. Et le premier GT a été, c'est assez connu qu'il a été développé par cette personne en interne, quoi. Il y a eu des petites personnes en externe aussi. Et c'est un jeu qui était sorti en 1997 au Japon et chez nous un petit peu plus tard, un an plus tard à peu près. Ok, donc ça date quand même déjà. Ça fait. Ouais, j'étais jeune en fait à l'époque. Voilà, et donc c'est une série qui a été un petit peu une surprise parce qu'on s'y attendait pas spécialement. C'était très très impressionnant graphiquement pour l'époque. Mais il n'y avait pas grand chose à l'époque comme grand jeu de voiture, jeu de bagnole, pas vraiment. Pas vraiment sur console et. Pas vraiment des simulations quoi. Il y avait quelques simulations très difficiles sur PC où si on jouait pas avec un volant c'était injouable. Ouais, t'avais des Mario Kart et autres. Ouais, plus arcade, il y avait Need for Speed. Il y avait peut-être Test Drive déjà, à ce moment-là. Need for Speed à cette époque-là ? Il me semble que Need for Speed est plus vieux. C'est vieux hein, maintenant Need for Speed, il y en a vraiment beaucoup. Oui, surtout qu'ils en sortent par palette. Oui, bah, ils vont commencer à en sortir deux par an vu que Shift devient sa propre licence. Et donc, il est sorti donc, en 97 et il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Et ouais. C'était un très gros succès de la PS1. Et principalement à l'époque, il comportait des voitures japonaises, pas tellement, il en comportait 180 maintenant pour. Toyota Pour comparer, GT4 en comportait. Pas le Japon, c'est de la connerie. GT4 en comportait 700 et GT5 en comporte un peu plus de 1000 maintenant. Mais bon. Est-ce qu'il y a la Ford Ka Sport ? Oh, il y a sûrement une Ford Ka. Hein. Dans les 1000 voitures, à mon avis. Sport. Sport, attention. Précisons. Moi j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des mini couleur orange tapette ? Dégueulasse. Il y a des mini, mais je ne sais pas s'il y a des couleurs orange. Ouais, sûrement, il y a de la customisation. Ouais, tu peux customiser. Ouais, mais les couleurs marchent un petit peu bizarrement dans GT5, mais bon, j'y reviendrai après. Et donc, voilà, c'est aussi le premier jeu qui a introduit des DualShock. Donc, elle vibrait pas encore à ce moment-là, mais c'était les deux joysticks. Ouais, ce qui permettait à certains de jouer avec le joystick droit pour accélérer et freiner. Ça me permettait de. Celui-là, j'ai joué, je me rappelle. D'avoir plus de précision. C'est des rares GD auxquels j'ai joué, d'ailleurs. Et puis, pas longtemps après, en 1999 ou 99, tiens, pour un peu ennuyer le chauve. Ah. Donc en 1999, au Japon. Si tu veux vraiment ennuyer le chauve, tu le fais avec l'accent canadien. Non, non, c'est... et Gran Turismo 2 est sorti, Sony voulant profiter un petit peu de. Du succès du premier. Voilà. Et il s'est un petit peu moins vendu, mais bon, soyons... Il s'est quand même vendu à plus de 9 millions, donc... Et ça a introduit un petit peu le système d'avoir un GT qui construit la base pour la console, et puis un deuxième où il y a beaucoup plus de contenu. Donc on est passé à plus de 600 voitures, beaucoup plus de circuits, plus du double de circuits, et graphiquement un petit peu amélioré, mais pas énormément. Et puis je crois qu'à ce moment-là, il y a eu les vibrations. Ça a quand même été pour à l'époque, moi je me rappelle, même pas rien que sur ces jeux là, mais sur la plupart des jeux, c'était quand même quelque chose de fort, les vibrations. Ouais, les vibrations. Tu demandais des kits vibrations qui coûtaient une fortune sur certaines consoles, c'était assez révolutionnaire. Ouais, je me rappelle pas de combien coûtait le kit vibration pour la Dreamcast et la N64, non ? La N64, moi j'en ai un ici d'ailleurs. J'avais découvert ça sur Zelda où quand tu pêchais, tu avais les vibrations des poissons, c'était assez bluffant. Mais maintenant on en est venu à plus en rendre compte qu'elles sont là. Hein. Ah oui, non, voilà, on s'y est habitué, quoi. Mais à l'époque c'était. C'est même très bizarre quand on joue sans vibration, parce qu'au début de la PS3, j'ai joué avec le 6-axis qui n'en avait pas. C'est. Ouais, non, ça manque. C'est l'inverse, quoi. On s'y est tellement habitué, qu'ils ont tellement mis partout que. Et donc voilà, ça c'était les deux premiers Gran Turismo de la PS1. Et ça fait quand même déjà plus de 20 millions de ventes à eux deux. Ça commençait déjà un très bon début pour la série, qui a été très très bien reçu, surtout le 1 qui était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et Ça, c'est devenu une des licences phares de Sony, hein, une des licences qui vend les consoles de Sony. Il y a plein de gens qui achètent une console juste pour GT, ou GT et PES à l'époque, par exemple. J'en connais. Et ça leur va très bien, hein. Ils font leurs petites courses, et voilà. Et puis, quelques années plus tard, pas très longtemps après, la PlayStation 2 est sortie. Gran Turismo 2 est arrivé en fin de vie de la PlayStation 1. Gran Turismo 3 est arrivé plutôt en début de vie de la PlayStation 2. À l'époque, ils arrivaient quand même encore à tenir le rythme, comme tu disais, de début d'une console, la sortie d'un Gran Turismo. Bah, ça après, a commencé à foirer avec le 4. Voilà, après, c'est devenu plus laborieux. C'est... Donc le 3 est sorti en 2001, que ce soit au Japon ou en Europe, on a quand même dû attendre un petit peu, mais moins qu'un an, donc ouais, ça s'améliore. Et par contre, c'est retombé dans le même principe d'avoir beaucoup moins de voitures, donc on est repassé à 180 voitures. Mais avec les évolutions graphiques. Oui, vraiment, beaucoup plus de polygones dans chaque voiture, un peu plus de circuits, mais pas grand-chose, et ça a été vraiment un très gros succès, il s'est vendu à presque 15 millions. Non, mais la PlayStation 2 était un énorme succès déjà, oui, aussi, en elle-même. Donc, mais en plus, c'est vraiment un système seller. Il y a beaucoup de monde dessus, et voilà, et les grosses licences comme ça, ça pousse. Et ça... J'ai vraiment bien aimé le 1 et le 2, mais je pense que le 3, c'est celui qui m'a le plus marqué, parce qu'il était vraiment impressionnant graphiquement. C'était du jamais vu, c'était le plus beau jeu de la console. Si j'ai pas joué, c'est pas celui-là où je me suis arrêté, et que c'est le 4 que j'ai pas... Enfin, soit... Et il s'appelait Gran Turismo 3 A-Spec, parce qu'à la base, il voulait sortir un Gran Turismo 3 B-Spec. C'est un mode de jeu qui est venu dans le 4 et dans le 5. Et c'est un jeu où on dirige une écurie un petit peu à la Football Manager, mais beaucoup moins bien, beaucoup moins complet. Donc on... C'est pas dur. Ouais. Oui. Dans le 5, je me rappelle pas, mais dans le 4, j'ai presque jamais joué en B-Spec. Dans le 5, j'ai essayé, mais on choisit un pilote, on a trois options de lui dire d'accélérer, de maintenir sa vitesse ou de freiner, et on le regarde jouer, quoi. Wow, ça va loin, c'est très poussé comme. Oui, et en plus il utilise les mêmes niveaux que nous, donc on est bloqué dans des courses, et si tu veux avancer, ben, t'es obligé de le regarder. Tu fais les mêmes courses que tu fais solo et tu le regardes jouer. S'il a pas une voiture qui est méchamment supérieure à ses concurrents, il gagnera jamais. Même si tu lui dis d'accélérer en permanence, il ne fera rien de bon. Je ne vois pas vraiment l'intérêt du B-Spec, mais bon, ça fait un petit bonus en plus, quoi, on va dire. Mais ils se sont rendus compte que c'était pas un jeu complet, donc ils l'ont pas sorti, et ils l'ont inclus dans GT4 à la place de le sortir GT3 B-Spec. C'est pas avec... Bah, y a aussi dans GT5, mais à la base, ça devait... Ouais, vas-y. Oh non, excuse-moi, je pensais à autre chose, mais c'est pas dans... À partir de ce Gran Turismo-là, le 3, qu'ils ont commencé à nous vendre des démos, ou c'est à partir du 4? Non, c'est à partir du 4. Qu'ils ont commencé à vendre des démos au prix plein, comme si... À partir du 3, donc en 2001, il y a eu le 4 qui a été fort attendu jusqu'en 2005, et entre ça, il y a eu plusieurs jeux concept, Gran Turismo concept, il y en a eu un par région, donc il y en a eu un pour le Japon, un pour la Corée. Pour le Canada? Non, pas pour le Canada, désolé. Pas pour le Canada. Non. Donc pour le Japon, il s'appelait Tokyo. Pour la Corée, il s'appelait Tokyo Séoul. Et pour l'Europe, il s'appelait Tokyo Geneva. Et ça a été... De Suisse, ouais. Pourquoi Tokyo à chaque fois? Ça se passe à chaque fois à Tokyo? Je ne me rappelle pas, parce que je n'y ai pas joué. Sincèrement, ils sont pas très bien vendus. Moins 500 000 d'exemplaires ou 1 million d'exemplaires chacun. Bon, c'est toujours du bonus, mais... petits jeux comme ça sortis sur une licence et ça ne se vend pas aussi bien que la licence principale, quoi. C'est rare que... Oui, bah c'était pour ça, on commençait à avoir l'idée qu'ils vendraient des versions pas finies entre les grosses releases, quoi. Et donc un an plus tard, en 2003 et en 2004 ici, Gran Turismo 4 Prologue est sorti. Ça a été vraiment le truc, mais je me rappelle que ça m'avait... De sortir une démo et de te la vendre plein pot comme si c'était un jeu, je trouve ça... Ouais, un c'est peu pas limite, vendu quoi. Plein pot, hein, mais c'est vendu. C'est quand même... une démo, c'est un truc, pour moi, qu'on distribue gratuitement sur des CD. C'est difficile des à dire que c'est une démo, parce que ça prend quand même très longtemps à les finir, mais... Ouais, bon, c'est quand même pas... Ouais, non, je suis d'accord, sur l'idée, c'est un petit peu... C'est un peu de l'arnaque, quoi. Ouais. Je vois pas d'autres mots. Pour moi, les démos, c'est les trucs que t'as gratuits avec les magazines, c'est... Mais c'est un peu méchant de dire que c'est une démo payante, c'est... C'est un prologue, quoi. Oui. Parce qu'on te le vend comme ça aussi. Ah, ouais. Et pour information, il coûtait combien, ce modo, tu sais? 40 euros, je crois. Ah, comme, c'est sympa pour la démo. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Et le jeu final, quoi, 60 euros, quelque chose? Ouais, à peu près. Je me rappelle plus de combien coûtait le jeu PS2, mais sûrement 60 euros. Donc tu racks une première fois 40 euros, puis tu racks 60 euros pour récupérer le même début de jeu et avoir autre chose, enfin le même début, les mêmes... C'est à peu près la même chose. Oui, pour c'est avoir, à peu près pour ça. Avoir mais... juste des bagnoles en plus, des circuits en plus. Et... Un mode plus complet. Un mode plus complet. Beaucoup de voitures en plus quand même. Oui. Je ne suis pas. Je dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais. Bah commercialement, si. Parce que ça s'est vendu quand même. Donc, Pour Gran Turismo 4 Prologue, c'est pas excessivement vendu. Enfin, c'est un million de sellers, donc on peut relativiser. Mais Gran Turismo 5 Prologue, par contre, c'est excessivement bien vendu. Et donc, on a eu après Gran Turismo 4. Donc après Gran Turismo 4 Prologue, on a eu Gran Turismo 4 en 2005. Finalement, ça faisait donc 4 ans d'attente entre les deux. Donc ça, c'est devenu les spécialistes pour ben oui, c'est un petit peu... un peu languir. Et donc, Gran Turismo 4, un peu comme le 2, rajoutait énormément de contenu au 1, a rajouté énormément de contenu au 3, en ayant plus de 700 voitures, comme je disais au début. 50 circuits en comptant les variations et tout ça. Et il s'est vendu un petit peu moins bien que le 3, un peu plus de 11 millions. Mais bon, ça reste déjà très très de très, très bons résultats pour une série de simulations. On entend juste un camion qui passe, mais... Ah voilà, ça ça et c'est pas aussi le... Dans Gran Turismo 4, avec toutes les voitures qu'il y avait, on pouvait faire des courses, vous pouvez regarder sur YouTube, où les gens font des courses avec des vieilles voitures des années... Des vieilles Mercedes avec trois roues en bois, ou qui vont à 5 km/h maximum... Et tu les vois faire le tour du circuit en 20 minutes, il faut avoir le courage. Il faut y venir, il faut le vouloir, parce que ça ne doit pas être d'offrir des sensations très... Pas vraiment, c'est moi j'ai jamais fini. J'imagine bien le tour du Nürburgring avec ça, 2 heures après. C'est pour l'aspect fun, quoi. Ouais, bon, pour l'aspect curiosité, quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'était le dernier GT qu'on a eu sur PS2. Et on s'attendait à avoir un GT sur PS3. Voilà, au lancement de la PS3. Et... Bah, peut-être pas au lancement, non, mais relativement... Comme les autres, quoi. Non, après... Ouais. Et on n'a même pas eu ça. Même, on a dû attendre donc 2010 pour avoir GT5. Mais entre-temps, on a eu GT5 Prologue qui est sorti. Avant GT5 Prologue, on a eu Gran Turismo HD qui n'était pas payant, lui, qui était une démo accessible sur le PlayStation Network. Qui était censé, qui était du Gran Turismo 4 HD, quoi, et qui était censé avoir un début d'un autre jeu, où on aurait acheté les voitures additionnelles donc par DLC. Donc ça, pas c'est, bonne idée, ça. Non, mais bon, surtout que si on voulait toutes les voitures, ça revenait vraiment très très cher, les gens avaient compté. On va revenir sur le débat des DLC, mais je pense pas que ça aurait été une très très bonne idée. Peut-être pour eux que ça aurait été une bonne idée, mais bon, ça ne s'est pas finalisé. Et un an après ça, ils ont sorti Gran Turismo 5 Prologue, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Donc là, par contre, c'était un très bon résultat. Ouais, pour 5 millions de crétins, voilà, de pigeons qui... Mais c'était la première killer app de la PlayStation 3. C'est la première exclue qui valait vraiment, qui a attiré les gens. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté ma PS3. Ah, donc tu fais partie des 5 millions de... J'ai acheté le pack... Quel connard. Mais c'est pas une... Quel connard. Des Canadiens. C'est quand même un jeu qui prend 30 heures à finir minimum, hein, donc c'est pas non plus une démo. Oui, non, mais c'est le principe. Je sais que c'est quand même des jeux complets qui prennent du temps, que c'est pas comme un jeu d'aventure où tu avancerais dans l'aventure et puis à un moment ça s'arrêterait parce que c'est une démo. C'est quand même... Non, c'est un jeu de course, donc t'as quand même... T'as quand même 80 c'est voitures, c'est pas... C'est le principe de pas te sortir un jeu, de sortir un jeu pas fini et de te le refourguer... faire du fric en attendant de finir la version fashion. Ouais, bah oui, je comprends, mais bon. Ça marche pour eux, donc ils ont raison de le faire. Hein. Oh, tout à fait, commercialement. Et il y avait 80 voitures à peu près dans GT5. Et c'était aussi la première fois qu'il y avait des Ferrari dans GT. Ça a toujours été une marque qui manquait. Il n'y a jamais eu de Porsche non plus. Il y a eu des Ruf à la place, mais... C'est pas parce que à cause des dégâts que certaines marques refusent ou... Non, ça c'était une excuse qui disait tous les autres développeurs font des dégâts dans leur jeu de voiture, donc c'était surtout parce que c'était trop compliqué pour eux de faire des dégâts et que donc ils trouvaient une excuse facile. Des dégâts qui sont toujours à peu près inexistants Mais ils existent, mais c'est ridicule par rapport à, aux jeux de Codemaster, genre Grid ou Dirt. Il y a réellement des marques qui refusent. Non, c'est pas vrai, c'est toi. Ou il y a réellement quand même des marques qui refusent de faire des dégâts à leur voiture. Non, non, bah, je pense que toutes les marques sont représentées dans un jeu ou un autre. Et peut-être qu'il y a des. Tout ça, c'est des choses. Parce que par exemple, mais... Bugatti, qui a toujours été difficile, accepte dans Hot Pursuit d'avoir l'Aveyron avec des dégâts. Donc je vois pas pourquoi ils refuseraient dans GT. Forza a énormément de voitures et il Y a des dégâts. Parce que c'est plus réaliste et peur de. Forza est très réaliste. Publicité, je sais pas. Ouais. Enfin, c'est des trucs qu'on lit sur internet, mais non, c'est vrai que. Et pour la licence Porsche, je crois que c'est parce que Electronic Arts la possède et ne veulent pas la laisser, mais ça fait quand même un gros manque. Porsche est une marque icône de la. Ferrari, Porsche. Et... Bah, Ferrari plus maintenant, mais. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même des. Voilà. Et donc il y a toujours eu Ruff depuis le 2 qui est un préparateur gros, de Porsche. En gros il manque les marques de luxe quoi presque. Non, il y a beaucoup de marques de luxe mais il n'y a pas Porsche quoi. Et il n'y avait pas Ferrari avant, maintenant il y a Ferrari. Et donc voilà pour GT5 Prologue. La dernière voiture de GT5 Prologue c'était une Formule 1 Ferrari qui ouvrait la marque. Cool. Qui était très sympa à conduire à l'époque. Moi j'aime bien les Formule 1. Et c'était aussi pendant très longtemps sur Next Gen, on n'a pas eu de jeu de Formule 1, on a eu un jeu Formule 1 de Sony qui était complètement pourri. Donc c'était le seul jeu où on pouvait conduire une Formule 1. Évidemment, c'était une Formule 1 contre des autres voitures, c'était pas très intéressant à part pour faire des tours chrono contre soi-même. Quoi. Et ce mois-ci, alléluia, non, le mois dernier maintenant. Alléluia, enfin. Enfin, GT5 est sorti, donc après 5 ans d'attente. Depuis GT4. On avait le temps de préparer. Il est sorti à quelle date? Le 24 novembre. Il me semble que c'était le 24 novembre. Il est sorti en avance en France. Quasi tous les revendeurs l'ont eu le vendredi. Il sortait le mercredi officiellement. De la semaine suivante, ils l'ont eu le vendredi avant. Et quasi tout le monde l'a eu à ce moment-là. Ici, on a dû attendre le lundi pour l'avoir chez certains revendeurs. Et donc... voilà, mon enfin Dieu. J'étais sans. Il m'a dit, ça a dû être dur comme attente. Hein. Après. Déjà, je l'ai payé plus cher pour l'avoir le lundi plutôt que de l'acheter chez MediaMarkt moins cher le mercredi. Quel clamp, hein. il se fait pigeonner sur la version démo, mais en plus de ça, il y aurait encore à se pigeonner pour l'avoir plus tôt. L'impatience d'un gamer. Patience d'un con. Et donc finalement quoi, il est rempli de petits défauts, mais tu n'y as pas joué donc. Non, j'ai vu beaucoup de. J'ai vu quelques trucs, j'ai vu plusieurs vidéos qui trollent un petit peu là-dessus, mais ouais, il a pas l'air exempt de tout défaut quoi. Et je pense que le plus gros problème, c'est que les gens en attendaient tellement depuis 5 ans. Mais c'est ça qui c'est que déjà la licence Gran Turismo en elle-même est quand même synonyme normalement de qualité de. Et en plus de ça, avec le temps qu'ils ont mis pour. Et puis sortir... le fait qu'il y a de la concurrence maintenant aussi. À l'époque des premiers Gran Turismo, il n'y avait pas Forza. Forza, maintenant, c'est une licence propre en elle-même qui a des avantages par rapport à GT. Qui fait certains trucs mieux, certains trucs moins bien. Ils font des dégâts mieux que GT. Le comportement des voitures est différent d'une série à l'autre. Chacun a son avantage. GT a un. On sent plus la lourdeur de la voiture, le transfert de masse. Mais par contre, sur Forza, on sent mieux quand les roues spinent. Et on a plus un feeling avec les pneus que dans GT. Donc c'est aucun des deux est une vraie simulation pure et dure comme on peut avoir sur PC, genre iRacing, où si je te mets devant iRacing, tu sortiras même pas des stands sans faire 3 fois. 20 crashs dans les murs et 10 spins sur toi-même. Donc c'est relativement facile à prendre en main. GT, n'importe qui peut prendre, surtout avec les aides. C'est ce qui a aussi fait le succès de la série. Pardon. C'est de la simulation accessible. C'est réaliste, mais en étant accessible. Quoi. Et c'est très bien hein, comme style. iRacing, c'est très bien pour les gens qui veulent vraiment conduire comme si c'était une vraie voiture, presque. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un magazine anglais a fait un test en prenant un champion de iRacing, l'a mis dans une vraie voiture de course, et l'a fait faire des tours en dehors des problèmes physiques de conduire une voiture de course qui est très difficile. Il arrivait à faire des temps très consistants et très très bons. Donc ça montre qu'un jeu comme iRacing t'apprend à conduire, alors que j'étais au mieux, ça t'apprendra des lignes de freinage et des lignes de... Prends déjà à conduire avec ta bagnole de merde. C'est jaloux, c'est pas de ma faute. GT, ça prend les noms des voitures, avoir une belle liste de belles voitures bien représentées, avoir... c'est ça aussi. Oui, bah, GT a toujours été le contenu. Et donc, dans GT5, on a le plus gros contenu, mais c'est un petit peu tronqué, parce qu'il y a 1031 voitures, mais il y a 200 voitures premium. Et alors, les premium, c'est celles qu'on peut voir, elles sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus jolies. Et en plus, elles ont une vue cockpit, qui est quand même beaucoup plus fun pour donc jouer. C'est les mêmes que d'autres présentes dans la liste, mais en version... Non. Non. Elles sont premium et elles sont pas dans la liste. Et alors... Donc pourquoi est-ce que tu dis que c'est tronqué? Alors il y en aurait même 1031. Oui, il y en a 1031, mais si tu veux vraiment la qualité... En gros, les 800 autres, c'est des GT4 qui ont été remises en HD. Et les 200 premium, ça a vraiment été des voitures qui ont été très très travaillées, où l'intérieur est détaillé. Et pour moi, c'est un problème, parce que je trouve qu'ils auraient dû faire comme Forza et mettre des vues intérieures dans toutes les voitures, même si c'est des vues un peu moins travaillées, où tout ne marche pas. Dans Forza, par exemple, dans pas mal de voitures, les petits compteurs ne marchent pas, mais au moins elles sont là. Là, si on a envie de jouer en cockpit, on doit se limiter à 200 voitures. Qui en plus, certaines courses, on n'a pas le choix d'une premium. Ça, c'est un gros problème, je trouve. En dehors des défauts de d'IA, qui est toujours tout aussi stupide qu'avant, des sons, par exemple, quand on fait un crash, ça fait boink. On se crash à 200 dans un mur. Ça fait quoi? Boink. Heureux. Quand Stetson fait un crash, Stetson roule avec sa Mini, il bourre dans un mur, ça fait... Je ne le dirai plus. Bang. Bang. Ça pose problème. Les voitures rebondissent, c'est pas normal pour en 2010 d'avoir toujours ça, quoi. Même si la physique des voitures en elle-même a été vraiment retravaillée, il y a plein de côtés où il y a des problèmes comme ça. Après, si on se force à jouer propre, entre guillemets, de ne pas foncer dans les autres, on peut essayer de jouer sans voir les limitations de l'IA, le fait qu'elle soit sur des rails. Si, par exemple, si on fonce dans une, elle va continuer à freiner jusqu'à ce qu'on se décale et on la dépasse. Sinon, elle peut nous ralentir et elle va laisser passer plein de gens en nous bloquant derrière elle, en freinant, en continuant de... Toi, tu essayes de... Mais c'est surtout stupide. Et elles sont vraiment sur des rails. À notre époque, c'est vraiment un petit peu limite de laisser ça comme ça. Surtout, en plus, le fait que c'est pas une révolution graphique. Donc. Moi, c'est vrai que le gros débat là-dessus, c'est qu'ils ont quand même mis 5 ans à nous le préparer, à nous le sortir. La PlayStation 3, elle est sortie depuis... ils ont tout le temps de se préparer, je vais dire. Ils avaient la possibilité de faire quelque chose de vraiment léché, de vraiment fini. On a quand même l'impression, en entendant les critiques, que ça reste un bon jeu. Oui, c'est un très bon jeu, mais les éléments qui il sont a beaucoup de défauts. Voilà, il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de petits bugs et de... Enfin, je sais pas si toi, t'en as rencontré particulièrement, mais on en parlait juste avant, ouais, par exemple. J'en ai pas vu ça. Les cartes volants, c'est quand même assez énorme. Je te montrerai peut-être la vidéo, chauve. C'est une vidéo sur Internet où on voit en fait une course de cartes dans Gran Turismo 5. Et en gros, tu as... Le mec est sur son kart, et à côté, t'as la moitié des autres concurrents qui sont à 10 cm du sol, en fait. Les cartes flottent en l'air. Mais ça, je l'ai pas vu, moi, en jouant, mais... Bon, c'est une vidéo, tu sais, voilà, c'est un bug, il faut tomber dessus, il faut vraiment être là au bon moment, voir le... C'est pas non plus rédhibitoire, je vais dire, mais c'est vrai que c'est quand même... on s'attendait à quelque chose de peut-être un peu plus... On a l'impression que c'est un peu le problème du développeur... Il se concentre sur des détails et ne voit pas certains. Par exemple, il a dit qu'il voulait, pour les dégâts, faire des dégâts localisés. Et il paraît, certains utilisateurs sur le net écrivent que oui, si on regarde les replays, on voit que les dégâts sont localisés. Mais c'est tellement petit, et la PS3 est probablement pas capable de calculer. Les voitures font 500 000 polygones, et n'est pas capable de calculer quand il y a un choc. Ouais, où est-ce que c'est. Il y a un polygone ennemi qui va être... Voilà, donc à la place de vouloir faire quelque chose de parfait qui n'est pas possible, il devrait se contenter de faire quelque chose qui a l'air bien, et ce serait déjà beaucoup mieux. C'est pareil pour l'IA, hein. L'IA de Forza n'est pas non plus... Oui, parce que c'est bien beau de modéliser 1031 bagnoles et de faire je ne sais combien de circuits, et... mais si à côté de ça... le jeu en lui-même ne suit pas, c'est bien beau d'avoir le choix de la bagnole, mais... Le jeu suit, hein, la physique du jeu suit, mais... Si à côté de ça, il y a des détails qui te... C'est dommage, quoi. C'est... Mais c'est surtout... C'est un mélange d'attente excessive de la part des gens, et le fait qu'il y a maintenant Forza, qui est... Je dirais que l'idéal comme simulation console, ce serait entre les deux, parce que Forza, on prend mieux les tournants, mais avoir sentir un peu plus la masse de la voiture serait sympathique. Mais bon, voilà, on a ça. Et sinon, tu ne l'as peut-être dit, mais j'ai pas entendu, ça s'est vendu à combien le 5? Tu as déjà des chiffres? Oh, à pas plus de 2 millions pour le moment, mais ça va augmenter de toute façon. Ça... Ouais, c'est un bon début. Quoi, ça... Ouais, puis de toute façon, c'est vraiment. C'est sûrement. Même s'il a été mal noté, donc peut-être que ça. Je sais pas si ça aura un impact ou pas, mais énormément de gens attendaient GT pour acheter leur PS3. Donc. Ça va. En dehors de. Il va faire vendre, quoi. Il y a... En dehors des ventes en lui-même, c'est aussi un jeu important pour Sony, surtout à Noël. Dans une année qui est très bonne pour Sony, on a l'impression que c'est la première année vraiment où ils vont dominer sur le marché américain. Oui. Ce qui dominait déjà en Europe, enfin surtout en France. En Angleterre, ça a toujours été un peu plus... Un peu plus tendu. Ouais. Et au Japon, bon. Et sinon, ton avis sur... Sur GT5, bah, GT5. Si tu devais donner une note, admettons. Sur 10, 7,5. Non, c'est sur 20 qu'on donne les notes, c'est plus joli. Un petit 15 sur 20. Non, un peu plus, quoi. Bah, 7,5, c'est ouais, mais bon, 7,5 sur 10, dans les sites de jeux vidéo, on sait que... Ils donnent 7,5 sur 10, mais ils donnent pas 15 sur 20. Non, mais tu sais bien que les sites de jeux vidéo, si on donne 7,5, c'est vaut plus un 16-17 que... Ouais, donc quand même, voilà... Quand même un très très bon jeu. Ouais, oui, juste trop d'attente. Trop d'attente pour les défauts qui sont. Mais bon, c'est, ça reste. Ça ne fait pas honte à la série, c'est juste que c'est un petit peu dommage et dérangeant qu'on soit toujours bloqué sur certains problèmes qui existent depuis longtemps. Le son des moteurs sont très bien, mais comme j'ai dit, ils sont des dégâts ridicules et ça te sort du jeu. Quoi. Refais le son des dégâts, s'il non. te plaît. Allez, non. Allez. Boing. Ça te sort du jeu quand tu l'entends. La stupidité aussi de faire de tamponner sur les voitures pour passer premier dans un circuit au premier virage, c'est ridicule pour un jeu de course qui se veut une vraie. Je me posais une question parce que quand je jouais à le peu que j'ai joué sur des Gran Turismo, j'ai jamais vraiment expérimenté comment je vais dire. Tout ce qui est un peu annexe, genre les courses de cartes. Les courses de cartes, c'est nouveau. Ouais, mais bah, voilà. Est-ce que c'est. Ce que je veux dire, ces choses-là sont aussi bien faites parce qu'on y porte quand même une certaine attention. Les courses de cartes, c'est très très fun. C'est pas accessoire, quoi. Y a quand même, c'est accessoire quand même... dans le sens où il n'y a pas beaucoup. C'est des événements spéciaux, mais c'est pas amusant. Fait, quoi. C'est pas, ouais, c'est ils n'ont pas mis là pour dire d'avoir des modes en plus et que c'est genre des mini-jeux tout pourris, quoi. Non, c'est. Bah, c'est un mini-jeu, mais il est bien fait. La physique des cartes est fun. Le kart, c'est amusant à conduire en vrai, donc c'est amusant à conduire là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont d'autre que le kart. Il y a quoi de bah, y a le rallye aussi qui est beaucoup plus limite là, par contre. C'est des. Il y a du rallye sur des circuits qui sont. Les circuits normaux, entre guillemets. Alors ça va, c'est bien, c'est beau. C'est fun de conduire, même si c'est. C'est difficile de dire. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une simulation de rallye. Donc j'ai du mal parce que Dirt c'est Fort Arcade et le dernier jeu de rallye c'est Colin McRae Rally et ça ouais. Vieillit un peu maintenant. Comment ça ou c'était Richard non c'était Richard Burns Rally et j'ai du mal à savoir si c'est réaliste comme comportement ou pas. Et par contre le gros problème c'est que quand on fait du rallye sur les spéciales c'est des circuits calculés en live on va dire. Ils sont ouais. Générés avant la course, quoi. C'est des spéciales générées avant la course. Donc elles sont très très moches. Mais c'est vraiment proche de la PS2, quoi. Ouais. En HD. Hein, mais... ouais, de toute façon, je veux dire, c'est, comme tu dis, c'est des mini-jeux, c'est pas non plus l'essentiel du jeu, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, la Formule 1, non, il y a juste deux Formule 1 de chez Ferrari. Mais c'est pas vraiment un jeu de Formule 1, c'est juste des voitures accessibles. Quoi. Après, moi je les ai pas encore conduites, c'est très loin dans la carrière. Hein. J'étais, on joue 30-40 heures, on est au début du jeu. C'est vrai que c'est ça aussi qui fait la force du jeu, c'est la... c'est une question de chiffres en fait. Nombre de bagnoles, nombre de circuits, durée de vie, il y a quand même... Oui, bah, les permis prennent énormément de temps. Quoi, mes premiers jours de jeu, c'est uniquement été sur les permis. Tu te demandes comment ils faisaient tenir ça sur un DVD à l'époque. Non, c'est sur un Blu-ray, c'est plus... Il y a eu plusieurs DVD hein, sur les anciens. Sur PS2. Non, même sur PS... Si j'étais 2, n'est peut-être pas sur 2... Si, celui-là, je l'avais sur PS1, il y avait plus. Et c'était sur celui-là, donc si on frottait, on sentait la gomme... Si on frottait le CD, il y avait une odeur de gomme de pneu. C'était soit le 2, soit le 3. Argument marketing. Tout à fait. Mais voilà. C'est bien, mais c'est pas exemple défaut. Bien, mais pas parfait. Quoi. Ouais. Et je crois que certains disent qu'il est plus plaisant au volant. Moi, j'ai pas essayé à la manette, j'ai essayé uniquement au volant. Qu'il est plus fait pour le volant, alors que Forza est plus équilibré entre l'utilisation au volant ou à la manette. Ouais. En même temps... Volant, c'est de toute façon plus... Oh, ce sera de toute façon plus amusant. T'as la sensation, il n'y a rien à faire. Il y a des jeux qui sont faits pour être... C'est sûr. Plus fait pour PC, d'autres plus pour console, d'autres plus pour volant. Voilà, si c'est... Un jeu de voiture, ça semblerait normal d'y jouer au volant si t'as la possibilité. Oui, bah oui. Faut juste avoir la possibilité, la place. Voilà, faut avoir le volant, quoi. Ouais. Et puis, il faut être déjà fan pour vouloir acheter un bon volant. Ouais, c'est déjà comme... Moi, je ne sais même pas si j'achèterais le jeu, personnellement, parce que je suis pas méga fan de la série, mais... Pas chaud. Moi, ouais, certainement pas. Non, ça t'intéresse pas le moins du monde. Le jeu de bagnole, moi. Mais même les jeux arcade. Ah ouais, ça me fait chier. Parce que toi, t'aimes bien les jeux arcade. Ouais, aussi. J'aime bien. Je dirais pas non. T'es pas partie. Fan. Par exemple, j'aurais l'occasion, je sais pas, je serais chez toi pour. Tu me proposerais une partie, je jouerais avec plaisir, quoi. Mais tu n'attends je pas. Je ne l'attends pas et j'irai pas l'acheter. Voilà. Voilà. Tu n'iras pas l'acheter le matin comme moi. Non, c'est. Je n'irai pas payer plus cher. Non, on va l'avoir deux jours avant. Non, c'est pas mon style, vraiment. Ouais. Ben voilà. D'accord. Ben, c'est tout, une petite chose à ajouter, non ? Non, j'ai oublié de parler de Gran Turismo PSP, mais j'y ai pas joué parce que... Sur la parce que les adaptations voilà, sur la PSP... Ben, il paraît qu'il était pas mal, et en principe, il était censé sortir proche de GT5, avant tous les retards. Et donc, il y a des liens entre les deux, on peut échanger des voitures et tout ça. Mais vu que j'y ai pas joué, il s'est quand même vendu à presque 3 millions pour un jeu PSP, c'est pas mal. Et il paraît qu'il est très impressionnant graphiquement. Moi, je sais pas, t'as pas joué, t'as une PSP, non? Non, j'ai plus de PSP. Okay. C'est fini. Fini la PSP. Ben voilà, c'était. D'accord, ben, je te remercie. Donc maintenant, ben, après juste une petite interlude à la con numéro 2, on va passer à la rubrique de Monsieur Chauve. Oui! Ouais! Quel joueur. Parce qu'il s'est emmerdé depuis tout à l'heure. J'étais n'a pas l'air de l'avoir passionné. Ah ouais, mais j'ai joué de bagnole, moi. Bon, ben on va passer alors à ta rubrique. Tu vas nous présenter donc un petit jeu, un petit blind test, c'est ça? Oui. Sur... Oui. Sur... Le Canada. Cool. Un blind test sur le Canada, alors. C'est parti. Blind test, c'est lui. C'est parti. Ladies and gentlemen, please silence. This is the info I like. L'info à la con. Alors, pour cette deuxième interlude à la con, je vais vous faire écouter un petit peu de musique. Mais je vais d'abord vous expliquer... Bon, je vais vous faire d'abord écouter un petit peu de musique. Et après, je vous expliquerai en fait de quoi il s'agit. Donc en fait, bon, pour faire un petit comparatif très débile, vous connaissez certainement René La Taupe. Non, ça vous dit quelque chose. Donc, le single de l'été. Donc le principe, c'est tous ces personnages virtuels qu'on fait chanter et que René La Taupe, évidemment, n'est pas quelqu'un qui existe. C'est pas un animal qui chante. Et ben les Japonais ont poussé le vice un petit peu plus loin en fait, avec un personnage qui s'appelle Miku Hatsune. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc, en fait, c'est un personnage qui a été créé pour accompagner un programme de synthèse vocale, en fait. Donc, si vous voulez, en 2003, c'est Yamaha Corporation. C'est connu quand même Yamaha. Stetson, tu sais arrêter, parce que tu vas les casser si tu continues. excuse-moi. Donc, Yamaha Corporation qui a développé un programme qui s'appelle Vocaloid, en fait. Et c'est un programme de synthèse vocale. Donc, en fait, on écrit simplement des paroles, on choisit une voix dans la liste du programme, on met un mix, un peu de musique dessus, et on crée une chanson. Ouais. C'est ça le principe à la base. Et en fait, ce programme a tellement eu de succès au Japon qu'ils ont carrément créé un personnage virtuel, donc Miku Hatsune, qui en fait n'existe pas. C'est un personnage style un peu manga, cartoon, totalement virtuel. Et ils ont sorti des chansons avec sa voix. Sublime chanson. Sublime chanson, comme vous l'entendez. Mais ça a eu un succès monstre, en fait. Les Japonais. Hein. Au Japon, voilà. Les Japonais sont assez friands de ce genre de choses. Donc c'est un vrai phénomène maintenant. Je n'ai pas le nombre d'albums vendus, mais apparemment c'est assez phénoménal. Elle a même eu droit de se produire en concert. Donc en fait, le principe, c'est qu'ils font avec plusieurs projecteurs une projection holographique en 3D sur scène du personnage. Donc elle danse, elle chante, etc. Elle a son club de fans, il y a sa propre BD, elle a été adaptée en anime. Enfin, c'est vraiment de plaisir. Voilà. Alors, si vous voulez les détails, elle a 16 ans, elle pèse 42 kilos, elle mesure 1m58. Son totem est le poireau, sa couleur est le courtois. Et le turquoise, pardon. Moi, je rentre dans du 6 ans, donc je rentre dans du 16 aussi. Voilà, elle a eu des jeux vidéo sur PSP, elle a un succès monstre, elle vend énormément. Alors, il faut quand même reconnaître une chose pour les producteurs qui ont lancé ça, c'est quand même un bon filon, hein, parce que comme c'est une artiste virtuelle, il n'y a pas besoin de la rémunérer, Ouais. C'est une fausse gonzesse. Ouais, d'accord. Gonzesse, oui. Miku Hatsune, c'est une autre fille. Hein. Ouais. Mais donc, faut quand même reconnaître que, voilà, ils ont flairé le bon filon parce que l'artiste virtuel, t'as pas besoin de le rémunérer. Donc, il te fait pas chier avec des contrats. Tout ce que tu vends, ça va dans la poche des producteurs. Donc, on doit avouer qu'ils ont été assez malins pour le coup. Mais voilà. Non, après, au niveau de la démarche musicale, c'est vrai que c'est un petit peu discutable quand même. Hein. Ah, c'est carrément discutable. Donc, voilà, je vous fais écouter un dernier petit extrait. Ouais, non, ça va, franchement. Au jeu de chauve qui a pris la place du maître, qui a pris la place de Kirby Courbette, Courbette, merci. Donc comme d'hab, je me suis pas trop cassé le cul. Le mettre en quoi? Le mettre en podcast? Podcast en blind test, j'y arriverai. Pas trop. C'est le patron du podcast. Petit coup d'air de dedans. En blind test, c'est tout. C'est moi. Oh, il est pas mauvais. Tout tout à fait. Mais il y a que moi qui reconnais les Spice Girls à une vitesse fulgurante. Oui, je sais pas si tu devrais t'en vanter, mais ok. Il faudrait que je te dise ça après. J'ai véritablement un hit connection dans la bagnole, moi. Merci, Joe. Sans blague. Toutes ces années de moquerie sans raison, mais maintenant j'ai un hitbox, un hit connection. Ah, c'est hitbox que tu disais. Oui. C'est hit connection. Non, c'est le même. Bah donc, ouais. On a ça en bande enregistrée, c'est parfait, Chauve, merci. On a la preuve enregistrée que Chauve a une. Il va nous faire nous couper le truc. J'ai un hit connection. Ah, là, je vais te le ressortir, là, tu vas pas y échapper. Bah bon, soit. Ça sortira donc, ton mariage. Donc, blind test, comme d'hab. J'ai fait ça un peu à l'arrache, vraiment à l'arrache, j'ai terminé ça il y a 2 minutes quand comme même. Comme d'habitude. Ouais, bah oui, c'est un peu ma façon de travailler. C'est ce qui fait le charme. Oui. C'est tout le piquant du show. Donc c'est série télé d'hier et d'aujourd'hui. Hier et d'aujourd'hui. C'est anglais, enfin oui, anglo-saxon et il y en a une ou deux francophones. Mais rien de... Rien de bien compliqué. Donc voilà, on va faire... un point pour bonne réponse. Quand vous dites une réponse, si c'est pas ça, ben vous laissez la main à l'autre. Voilà, je donne la main à Julien. Je prends la main à Julien. D'accord. Ensuite. Ça c'était dans. C'est comme dans Cupic quoi. Là, on dirait que tu faisais une parodie de tout le monde prendre sa place avec Nagui, le handicapé. T'as pas vu? Si. Gauche. Lorsqu'il transmet les choses. C'est qui est provocant maintenant? C'est clair. En fait, c'est ce siège-là. Désolé, mais c'est parce que dans ma famille, on limite depuis qu'il a commencé à être champion, donc... Ok. Donc voilà, un point par point de réponse. Évidemment, il y aura un super banco. Donc si c'est... Il y a 15 morceaux. Si c'est 13-3, ben, forcément, le super banco vendra 11 points. Oui. Et si c'est 15-0, c'est le enfin, 14-0. Non, ce sera 14-1, alors. C'est le principe. Oui, non, t'as raison, 14-0. Bah ça vaudra 15 points. Okay. Donc en gros je dois juste gagner la dernière. Ouais voilà, mais c'est le principe du super banco. Surtout que la dernière elle est assez facile. Quoi. Parce qu'on a des références un peu. Non mais de toute façon j'adapterai les règles en cours. Donc, voilà. On va y aller. Bah quand tu veux, c'est parti alors. Donc. Je vais encore perdre. Premier extrait. Breaking Bad. Ouais. Si. Ouais, putain. Tu me déçois là, tu me déçois. Ouais, non, mais je me suis dit, je connais. Mais le Doing au début, moi aussi, j'ai pris la suite, pas du tout quoi. Je me suis dit, je connais ce son. Je connais, mais je l'aurais entendu sans titre. Mais c'est dire que. Comme comment on regarde, donc c'est vrai que. Mais je suis mauvais. Tu comptes les points? Ouais, je vais essayer. Ou tu veux que je le fasse? Non, je vais ouvrir un bête. Il est exceptionnel ton fond d'écran. Ah oui, tu l'avais jamais. Il faut que je le veux. Je vous montrerai après. Je m'enverrai un mail avec. À fond d'écran Mario en aquarelle. Ouais, très joli. Ouais, merci. J'ai eu du mal à le trouver. J'ai cherché longtemps avant de trouver un fond d'écran qui me convenait. Il faut voir si ça ira. Bah non, c'est un genre. Et je dois avouer que franchement, il m'a plu, celui-là. Ouais, il est chouette. Bon, Stetson que dalle, évidemment. Comme d'habitude, Kirby 1, Stetson 0. Deuxième extrait. C'est parti. Je vous donnerai un indice si vous le trouvez. Si, ça me dit quelque chose. C'est pas Wheat? Ouais. Little Box, si c'est ça. Il y a plein de versions. Oui, il y a plein de versions, mais okay. C'est pour ça que ça m'a perdu aussi. Là, ouais. Voilà. Bien vu. Pour l'anecdote, on le regarde avec ma femme, mais avec toutes les versions du Little Box, on chante ça, mais à tout bout de champ. Donc, mais c'est vrai que. Voilà, tant qu'elle l'a pas dit, Little Box, c'était un peu perturbé parce qu'il y a tellement de versions différentes que. C'est clair. Dans la saison 2, je crois qu'ils ont mis un épisode, enfin un générique différent pour eux. Ah, c'est dans. Bah oui, même. Maintenant, je crois que c'est tout le temps le même. Donc c'est tout, ouais. Je crois que c'est toutes les saisons maintenant comme non, ça. Non, la première pas c'était la seule. Mais je crois maintenant que c'est la même chose. À partir de la saison 2, tout, ça a été. Je crois que dans la dernière, il n'y a plus. Ah, je ne sais plus. J'ai l'impression, enfin, soit. Ouais, mais c'est vrai que c'était assez original de faire comme ça un générique par. Hey, Stetson, t'es nul. Allez, c'est parti. Troisième extrait. Tunix. Ouais. C'est pas assez rapide. Non, c'est clair. Ah, cette zone, tu connais ça quand même. Ouais, mais je suis lent à voir la. Parce que. C'est quand même générique culte. Quand même, voilà. C'est... Le nom ne vient jamais, quoi. Tu sais que tu connais, mais ça ne sort pas, quoi. 3 euros. Suivant. C'est ici. Mais j'hésite en fait, j'allais dire les experts. Ah, ouais, c'est ça quoi. Mais, oui, mais. Trois experts. Ouais, je sais bien, moi j'en regarde aucun déjà. Il y a les experts que je me suis arrêté en cours en disant lequel. L'autre il propose sans même spécifier lequel, et non, c'est bon. Oh bah non, je suis là, désolé monsieur, on est puriste ou on est... Ah c'est trop hein, c'est bon. Lamentable. Là, l'extrait suivant est peut-être un peu plus pour Stetson aussi. Laisse mettre un peu de musique pour nos auditeurs. Bah, j'ai laissé un peu après. Pendant que vous causez, vous entendez pas. Si, mais j'ai un truc que t'avais coupé assez vite, c'est pour ça. Bon. Suivant. C'est un peu allé quoi, tu vois, pour faire... Suivant. Deadwood. C'est excellent. Ouais. C'est tellement de listes à voir, c'est excellent. En plus, c'est pas énorme, enfin, c'est pas très long. C'est quoi, 3 ou 4 saisons? Non, 12 par saison. Ouais, 12, 13. C'est le c'est long, c'est saison, des vingtaines d'épisodes à chaque fois. Ouais. On se bouffe ça à une vitesse. Mais c'est... Tu tapais l'intégrale de Dr. Par Rose. Contre... Docteur Dr. Rose. Ah ouais. Et Olivier Tom aussi. Ça fait quelques années. Deadwood par contre, c'est... Enfin, c'est sous-titre. Bah moi récemment, c'est... Quasi sûr, quoi. Ah ouais, il faut pas le regarder sans français. C'est... Ouais, ouais, non, mais c'est... En... Moi, je regarde mes séries quasiment toujours en anglais ah ouais, sans sous-titre et c'est super dur, quoi. Sans sous-titre, c'est impossible. Par contre, c'est la série où tu entendrais le plus souvent le mot cocksucker. ça doit te dire quelque chose. Oh, putain. Putain, j'arrive pas. Mais je vous dis, c'est dans la liste des avoirs. Une ouais. Moyenne de 20-25 par révision. En plus, fini, il le dit super bien, catastrophe. Quand j'aurai fini de me rattraper sur Breaking Bad, comme je suis en train de le faire, et que j'aurai avancé sur Walking Dead aussi, bah... Par contre, le problème de Deadwood, c'est la déception qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas plus. Pas de fin. Ouais. Bon, 3-2, Stéphane, je crois que c'est la première fois. Enfin, tu égales à mon avis ton meilleur ouais, score. Ouais, mais je suis pas d'accord sur le premier. Il a pas précisé lequel. Allez, suivant. C'était quel concentrez-vous d'ailleurs. Moi j'en sais rien. C'est Manhattan ça, non? Ouais, je crois que c'était New York. Concentrez-vous, c'est parti. Guys on the Cushion. C'était quoi? Faut que ça me revienne. Ah ouais. Faut le temps que ça me revienne. C'est bizarre, hein, pourtant je les regarde, oui, c'est tout ça. Ça par exemple c'est terrible, c'est celui de l'extraceur. C'est exceptionnel, c'est la merde. C'est exceptionnel, ça a tout pas ouais, c'est ça. Ouais, il va y avoir la 4. C'est bien d'or personnellement. Parce que comme 8, je trouve que ça a vieilli un peu mal. 8, ça vieillit, oui. Bon, suivant, elle met beaucoup de temps à démarrer, donc je ferai peut-être un clic en plein milieu pour... Ouais, non, comme tu veux. C'est une chanson qui met très longtemps. On fout ces 4-2. Si. Okay. Allez, go. Le gamin. Vous connaissez tous les deux. Ça me dit quelque chose, mais... Quoi ? Pas avancé. Parle-le un peu. Non. Le problème c'est si je propose et que c'est pas ça, après c'est pour ce salopard de Stetson. Il va avoir tout le temps de réfléchir. Je voudrais proposer quelque chose mais je pense pas que c'est ça. C'est de toute façon il a pas l'air d'avoir beaucoup d'idées. Non. Non, je vais me rappeler du Friday Night Live. Bah c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça le générique de FNL. Bah j'ai eu un doute un moment et puis... Ah ouais, maintenant la fin par contre un peu plus, mais c'est parce que tu l'as dit je crois. Bah, j'aurais pu le dire depuis deux moments en plus. Mais... si j'avais osé, ne pas... j'avais peur que Stetson me garde la main. De toute façon il n'a pas d'idée donc... Kirby reprend l'avantage, c'est 5-2. Oui, ça on s'en doutait. Hein. Suivant, c'est connu aussi, hein, donc soyez au taquet. Au taquet. Je crois pas que je regarde. La chanson aussi. Ouais, la chanson bah, si, en même, c'est avec Dr. Rose en fait. Bah, oui. J'ai réfléchi pendant 3 heures avec. Mais c'est vrai que c'est pas. Quand tu entends la musique, ouais, voilà, sympa, ça vient. Tu ne l'imagines pas aller à... c'est nécessairement avec la série. C'est. Je sais pas. C'est difficile de faire l'association en fait. Mais oui, c'est bien. Maintenant, on passe dans le moins sérieux. Donc je suis à... 6-2. Même en trichant, Stetson arrive à faire que ça. Ah bah il a pas triché, je suis l'arbitre et j'ai décrété que c'était régulier. Ouais, c'était un coup régulier. Où tu n'empêche qu'il y a 3 séries, c'est on va être vraiment précis. Rien à foutre. Ça va, c'est moi. Suivant. Là, le réflexe. Là, tu sombres vraiment dans le... Ça, c'était sûr que t'allais exploser. Jamais un entier, mais j'ai déjà entendu tellement de fois le générique. Allez, encore un taquet. Attends, je suis à 9 et c'est 2. Ouais, c'est bon, c'est parti. C'est la génération. T'as jamais regardé. T'as jamais regardé Friends. T'as vu Friends, j'ai vu des bouts d'épisodes, mais j'ai jamais regardé. Combien de fois j'ai pas re-regardé un épisode, c'est repassé à la télé. J'ai revu toutes les saisons. Oh putain, t'as Machete. Excellent. Machete. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Oh putain, je le veux aussi. Attends, j'ai d'autres choses à te conseiller après. J'aurais vraiment dû prendre. On en discutera dans le en vrac à la fin, mais je te dis, j'ai vu plusieurs films récemment et plusieurs bons trucs. Suivant. Et une bouse. 8-3, suivant. Ouais. K2000. Merde, j'allais dire. T'as vu le réflexe en français en plus, c'est rare. Ah ouais, c'est la VF. Parce que c'est la réflexe en anglais. C'est la VF. D'ailleurs, la suite est... Ouais. 8-4, c'est toute sa croche quand même. Je me pensais à l'épisode de Supernatural que j'ai vu récemment dans la saison 5. Tu sais, ils aiment bien faire de temps en temps des parodies, des trucs un peu... Ils ont fait un épisode où ils se retrouvent enfermés dans le monde de la télé et ils se retrouvent à parodier toutes les séries. Mais d'ailleurs, les experts Miami, ils le font génialement bien. Ils sont des lunettes de soleil en pleine nuit. Qu'est-ce que je fous là en pleine nuit avec des lunettes de soleil? C'est que les acteurs sans talent qui mettent des lunettes de soleil pour cacher leur manque de... Et ils se retrouvent à un moment où un des deux frères se retrouve en fait en kit, la voiture, et lui est le chauffeur, quoi. Enfin bref, c'était anecdote, là. Il était épisode très marrant dans la saison 5 de Supernatural, si vous voulez voir. T'enregistres bien, oui. Mm-hmm. T'es pas trompé, t'as bien lancé l'enregistrement. Ah oui, putain. Allez, suivant. On sait jamais. Go. J'ai même pas entendu. Ah putain, quel con. Je l'ai eu après avoir vu Juice Pearl. Il va le redire. Allez, je le sais, je le sais, j'ai dit trop vite. C'est un truc français, mais... J'ai déjà dit ça récemment, il y avait Philippe de tout le film, et entendu du le premier baiser qui jouait dedans. C'est vrai, c'est parce que j'ai eu des trucs sur le disco, mais bien vu, j'ai voulu en payer, mais j'ai pas vu parce que... Oh, je lui laisse la main. Non, t'as la main. Ouais, mais je trouverais pas. Je ne filmais moi des séries françaises. Ouais, c'est un truc français. Quoi? Commissaire Moulin. Ah, Navarro. Navarro, ouais. Tu crois que j'ai regardé Navarro dans ma vie? En plus, il dit Navarro, j'écoute au début. Mais je ne regarde pas. Oui, mais j'ai coupé quand il a parlé. J'avoue, je regardais Juliesco quand j'étais jeune. Et tu dis qu'il triche, mais tu lui parles pendant le truc, et du coup, il a pas entendu. Oh, ça va, mais tu peux le pour rester. De toute façon, j'étais trop vite pour proposer Juliesco, c'est moi qui fais le con. Allez, suivant. Il en reste 2 et puis c'est le Banco. Prêt? Et un Super Banco ou... Non, le Super Banco, quoi. Y'a pas un méga Banco? Non. Merde. Go! Là, je... Starsky Hutch. C'est clair. Ouais. J'ai failli dire l'agence touriste qui est absurde. J'ai fait 17 heures. Écoutez, c'est parce que le problème c'est de faire plus de vieilles séries pour la fin. Au début de la série actuelle, il y a plus de 3 mois, mais il y a plus de trucs ainsi. Ah oui, attends, c'est vrai, c'est ce que je veux. Et quoi, c'est ça? Non, j'ai... Ouais, mais... C'est allez. Plus votre truc, les blindes. En plus, quand t'as dit Starsky Hutch, je me suis dit, tiens, il va sûrement mettre Chips après. ça nous fait dans 90%. 11 à 4. Nous allons passer au Mega Banco. Étant donné que c'est 11 à 4 et qu'il y a 7 points d'équerre, le Mega Banco vaut 8 points. C'est logique. Donc je me retrouverai à 19 à 4 si je comprends bien. Si tu gagnes. Il est dur le Mega Banco, t'as choisi un difficile spécialement ou... Ah, je vois encore me faire défoncer. Non, il est facile pour toi. Ah, ouais, mais il va plus vite que moi. C'est plus marrant d'en prendre une difficile pour le Banco. Messieurs, êtes-vous prêts? Quand tu veux. C'est parti. Oh ouais. La vie, non? Ouais. Twitter de Kirby, il est peut-être encore un massacre. Kirby célèbre son tonne. Il est content. Non, t'as gagné. Sur l'autre guitare. Et ça non plus, tu regardes pas. Bon, ben voilà, vous avez tué les buts avec la zone de moi. C'est pas grave, hein. De moi, oui, tout à fait. Stetson continue sa carrière de coaching ball. Merci Stetson d'avoir participé, tu as été un concurrent loyal. Monsieur, bravo à vous deux. Stetson, t'as quand même battu ton record de points. Ah oui, c'est pas mal. Donc tout n'est pas perdu, tout n'est pas noir. Même si on a qui est contestable, je te reconnais quand même que... T'essayes de faire des blind tests avec ce genre de série maintenant. Avec ce genre de série. Bah genre Deadwood, tu vois, j'ai plus de chances que les trucs un peu plus récents. Les trucs plus récents et plus. Je te dis, j'étais bien parti, bien lancé, et puis j'ai dû partir bosser jeudi soir, je sais plus. Et je... Ouais, le début était. La fin était un petit peu plus bâclée, je suis de le reconnaître, ouais, effectivement. T'as pris des génériques. C'est un bon générique quand même. Ah, moi je ouais, mais plus connu. Ouais, y'a pas de problème. Plus connu ? Bah Starsky et Hutch, Friends, Chips. Ah ben... Il y a rien de plus connu que ça. Bah c'est ce que j'ai dit, plus connu. Ah bah oui, bah voilà. D'accord, ok. Justement, c'est tellement connu que ça doit se jouer au réflexe. Je préfère Deadwood ou FNL. Ouais, FNL mais c'est parce que tu vis dans ton univers, c'est ça le problème. Ouais, tu vis dans ta bulle. Ouais, voilà, tout à fait. Tu n'es pas ouvert au grand public, donc tu es... Si tu veux qu'il y a... Tu es dans un univers à part, c'est ouais, bon. Hein, quand même. Bon, ben voilà, victoire de Kirby. Ouais, magnifique, c'est une grande victoire. Bah maintenant, on va passer au en vrac, alors. Ouais, on va aller sur en vrac. C'est parti. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a... Voilà, donc nous sommes repartis après un petit faux pas de Stetson. Mais pas du tout. J'ai envie de le préciser pour le public, ouais, que les gens sachent tout. Quand même que tu n'es pas professionnel pour un sou, et que quand je fais signe de... se taire parce que j'active les micros, le monsieur décide de parler. Mais j'ai pas envie de te regarder tout le temps. En disant qu'il aime bien les lyrics. Voilà, chose importante, il aime bien les lyrics. Bon. Mais donc on va passer maintenant au petit fourre-tout final, on va dire, un petit en vrac. On va parler un peu de tout ce qui nous passe par la tête, de tout ce qu'on a vu, aimé, pas aimé, tout ce qu'on a entendu, lu, enfin, joué même, ce que vous voulez. Donc, qui veut commencer? Chauve, quelque chose? Si vous voulez. Un petit sujet, un petit coup de cœur. Oui, j'ai acheté un petit jeu récemment sur ma Xbox. Je sais pas, je vois pas qu'il était sorti en fait. C'est la réédition du bon vieux NBA Jam qu'il y avait sur Game Boy. Oui, je me rappelle. Un jeu de basket 2 contre 2 avec très très arcade. Très très arcade et... avec des têtes dessinées énormes, des dunks de fou. Mais ils en ont sorti une version sur Xbox 360 avec les équipes actualisées forcément. Donc c'est assez limité parce que bon, ça t'a vite fait le tour, t'as trois boutons ça reste un jeu très très arcade. Mais c'est très fun, j'ai pas encore joué à deux parce que c'est celle-là que ça, à mon avis, que ça prend tout son ampleur. Mais jusqu'ici je m'amuse à... T'as plein de petits trucs à débloquer, genre marquer 50 points sur un match, faire prendre 10 rebonds, marquer tous les points sans rien laisser, sans quelque chose. Que à chaque fois que tu débloques, bah, tu débloque un vieux joueur de l'édition originale, quoi. Tu débloques Scottie Pippen ou un truc comme Scotty ça. Scotty Pippen. Ah ouais, bah voilà, de vieux joueurs. Je me rappelle très bien. Mais c'est toujours aussi spectaculaire que. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que moi, ouais, j'ai... C'est exactement la même gueule, quoi. C'était sur quelle console que j'avais joué à ça? C'était pas sur 64, ils en avaient sorti un hein? Sur. Pas je ne sais plus, ils avaient sorti. Moi, je sais bien que c'était sur mon vieux Game Boy. Ouais, mais ils avaient sorti aussi une version sur une console 3D. Et... J'adorais ce jeu. Ouais, enfin voilà, ça vient c'était... de... C'était exceptionnel, putain, j'arrive plus à parler. Je savais pas du tout que c'était sorti. Bah moi non plus, je suis tombé, je faisais mes achats de Noël, je suis tombé dessus. Du coup, ça m'a coûté, mes achats de Noël m'ont coûté un peu plus cher. Ça me ferait envie de tâter un petit peu la main. Bah écoute, maintenant que j'ai deux manettes... Tu connais ça, oh, ça me... Je suis pas trop NBA, mais ça me dit quelque chose, hein. Bon, bah, à mon avis, même quand t'aimes pas le basket, ouais, c'est, ouais, c'est sur arcade. C'est pour le fun. Très, très, très, très arcade. Mais c'est plutôt le genre de jeu à jouer en multi, quoi. Ouais, ouais, tout seul, t'as vite fait le tour. Il y a toujours des explosions de feu quand tu fais des dunks. Parce que quand tu mets trois paniers à la suite, tu deviens on fire et tu fais des dunks de malade, tu sautes jusqu'au plafond. Mais c'est relativement vieux. Ah ouais, oui, c'est très vieux. Je crois même que j'y ai joué, en fait. C'est un très vieux jeu sur Game Boy. Moi, je dis jeu sur Game Boy, mais je crois que j'y ai joué sur. Je ne sais plus si c'est sur 64 ou. Non, mais sur Xbox, ça fait quelques années, non? Ah, je sais pas. Mais ça, je savais pas que ça existait. Non, je crois que c'est 2010, parce que t'as les effectifs, notamment de... Ouais, peut-être qu'ils en ont ressorti un en 2010. Avec la nouvelle équipe de LeBron James, qui a changé seulement... Mais il n'est pas marqué NBA Jam 2010 ou quoi, NBA sur la jaquette Jam, non. Mais il me semble que j'ai joué à NBA Jam, peut-être qu'ils en ont fait plusieurs. Ouais. Mais à la base, c'est un jeu Game Boy, moi je me rappelle, j'ai joué à ça quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc, ah, mais j'ai joué aussi très jeune. J'ai joué aussi très jeune sur... je sais plus quelle console, mais une console 3D, je pense une 64 ou quelque chose comme ça. C'est une Super Nintendo. Franchement, je dois avouer que je m'éclatais avec ça. Non, non, 3D. Hein? Mais je ne saurais plus dire... mais je me suis vraiment éclaté. Sinon, j'ai eu un autre jeu, j'ai pas pris la peine de l'acheter, parce que je savais pas trop... Je savais pas du tout que c'était sorti non plus. C'était une version de Red Dead Redemption avec des zombies. C'est vachement plus... C'est un DLC. Bah, je l'ai vu dans un magasin. Peut-être qu'ils l'ont sorti en boîte, mais sinon, ouais, c'est un DLC. Quoi. Moi je l'ai acheté sur le live. Peut-être 25 boules, mais. Moins que ça, non? Non, quand même. Attends, moi il me semble que j'ai payé 1400 points ou un truc du style. Je sais plus. Enfin voilà, je me demandais si ça valait, mais finalement je l'ai pas pris. Il se sucre pas un peu plus dessus. J'ai déjà pas le temps de jouer, alors NBA Jam ça va parce que les matchs ça dure 5 minutes. Oui, NBA Jam, t'as lu. Mais c'est fun. Tu avais une partie pour déconner sans. C'est fun, Undead Nightmare. Ouais. Enfin, surtout si t'as bien aimé Red Dead. Quoi. Mm. T'as fini Red Dead? Ouais. Bah alors, en plus, il y a des petits rappels de certains persos et tout ça. C'est une bonne idée de retourner dans l'univers. Quoi. J'ai vu Fable 3 aussi, je l'ai pas acheté non plus, il était cher. Mais, voilà. Ça, j'ai vu des bons avis dessus, donc... Ouais. Donc t'es dans une période de jeu. J'ai pas le temps, c'est ça, puis donc, ouais, bah c'est pour bah ça que je l'ai pas acheté, sinon quand j'ai acheté balade, les trois ensemble. J'ai revendu ma Xbox il y a pas si longtemps, quand je me balade et je vois la nouvelle Xbox, et c'est pareil, j'ai envie de l'acheter, mais je sais bien que j'aurai pas le temps de jouer, donc je ne le fais pas, mais c'est loin d'être l'envie qui m'en manque. Hein. Franchement, voilà. C'est clair, je comprends ta douleur. Sinon voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Pas de film vu de Daube récemment, comme tu critiques sur Chauveland? Non. Tu n'as pas vu de film de merde? Non, je pas. Pas de ces temps-ci, non. Je regarde plus de films de ces temps-ci. Donc... Ok, mais. Quand j'ai commencé Chauveland, j'étais célibataire et j'allais plus à l'école, j'avais juste mon travail. Donc maintenant. Oui, tu cumules les mandats. Tu cumules les mandats, il n'y a plus moyen. Je comprends. Monsieur Stetson, tu veux. Oh, ouais, moi mon coup de cœur, puis après je verrai si j'ai d'autres trucs, mais. C'est une rubrique en ouais, mais bon, vraiment le truc principal c'est. Ah, j'ai revu la stagiaire hier. C'est ton coup de cœur? Non, je m'en fous maintenant. Voilà, c'est pas ça. C'est sa femme donc, c'est un petit jeu qui est déjà sorti il y a un petit temps hein, sur iOS, Game Dev Story, et on prend le contrôle d'un studio de développement de jeu un peu à la Theme Park, c'est assez humoristique, assez fun. Et comme la plupart des jeux smartphone. Des jeux très addictifs où on voit pas le temps passer. Je pense que tu peux t'éloigner. C'est ça que tu joues tout le temps. Non, c'est de, je joue à Angry Birds. Ouais, je joue à Angry Birds. Qui d'ailleurs, au passage, moi, petite note en passant, Angry Birds sur Android, qui est gratuit pour iPhone. Moi, j'ai dû le payer 0,80. Et génial. Et j'ai pris Angry Birds Season, et, qui est sorti récemment. Et il me tarde d'y jouer. C'est excellent comme genre de jeu. C'est quoi Angry Birds, je te montrerai après. On fera une démo. Une petite c'est des jeux, genre de jeux chronophages stupides. Ouais. Tu dois envoyer des oiseaux sur des forteresses pour, en gros, pour les niquer les cochons qui sont dedans. D'accord. Mais c'est très très. Mais les très jeux bien. iPhone sont. Enfin, les jeux smartphones sont très fun. Tu dois bien doser tes lancers pour casser tel endroit. Voilà. D'accord. Bah voilà, c'était mon mon coup de cœur. Sinon, j'aime bien The Walking Dead, mais voilà. Ah, ça, on va faire un podcast là-dessus. Plus tard. J'ai pas vu de films qui m'ont marqué dernièrement. Par contre, j'ai été déçu de La Séparation de Noir Désir. Ça, c'est oui, c'est ton gros fail, ton pas gros fail. Ma déception de la semaine, on va dire. Déjà quand même séparé, donc c'était prévu. Non, c'était... mais on s'attendait à ce qu'ils repassent un concert quand même. Ouais. Mais ils avaient quand même déclaré qu'ils allaient qu'ils allaient repartir en tournée, refaire un album et tout. Ah. Et je comprends pas vraiment la réaction du guitariste de dire ça à propos de Bertrand Cantat après avoir c'est vrai rien dit pendant 10 ans. Voilà, et, ouais. Entre guillemets, ils l'ont soutenu pendant des années. Et puis, dire qu'il a des, mais non, c'est peut-être des après... désaccords moraux avec Bertrand Cantat, c'est un petit peu... Musicaux et moraux. En se retrouvant, ils se sont peut-être rendus compte que... Mais ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Que... je trouve qu'il aurait juste pu dire qu'il avait qu'ils n'étaient pas d'accord au point de vue musical et laisser à ça, quoi. Ouais. Dire que c'est la situation de Noir Désir est honteuse moralement... un petit peu pas, il n'y avait pas besoin. Ouais, la manière n'était peut-être pas là, quoi, mais c'est vrai que la décision de du reste du groupe d'arrêter le groupe quand le guitariste part est très bien, quoi. Ouais. Parce qu'il était fort important. Noir Désir, c'est Bertrand Cantat et le guitariste bassiste. Ouais, mais bon, c'était contrairement pas très à certains groupes où tous les musiciens se renouvellent au fur et à mesure des années. Ouais, je trouve que c'est mieux de quand un membre important part de laisser tomber, il peut refaire un autre groupe. On le fera peut-être. Ses apparitions sur scène avec FL il n'y a pas longtemps étaient très sympas. Voilà. Au moins, je pourrais peut-être le voir lui. Je les ai vus. Tu les as vus en live ? Ouais. Des gens qui ont de la chance. En 2002, je crois. Il était Marmotte Mata, je vous redonne une sans tout prévenir. Dernier concert de Marmotte Mata. Sans me prévenir, évidemment. Si, je t'avais prévenu. Ouais, comme d'habitude, mais bon. Ouais. Faut pas demander à un chauve d'être réfléchi non plus. Alors qui sait que ça fait partie des groupes que. Si, je t'avais fait. J'ai vu Scott Pilgrim aussi, mais j'ai été un petit j'allais peu en parler. Déçu. J'allais justement en parler parce que ça fait partie des listes. Parce que j'avais fait une petite liste de films que j'ai vu parce que j'en ai vu beaucoup. Et j'ai vu plein de films, mais. Et j'ai vu Scott Pilgrim. Pas beaucoup m'ont marqué. Et je crois que t'es comme moi, t'as été quand même déçu. C'est pas mauvais, hein, mais. Non, il y a des bonnes idées, mais. Enfin, j'allais y venir justement. Ouais, ouais. Je sais pas si t'as autre chose à parler avant. Non, voilà, j'essaye de réfléchir à des films qui m'ont marqué, même. Il n'y a rien qui m'a vraiment plu dernièrement. Bah, je vais peut-être commencer par ça. Alors, vas-y. La liste des films que j'ai vus, parce que j'en ai vu plusieurs. J'ai vu effectivement Scott Pilgrim récemment. Bon, comment dire. J'avais beaucoup entendu parler en fait. Ouais, moi aussi, depuis le temps qu'il est sorti aux US. Voilà, et puis tout le monde disait, oui, le film geek par excellence, le film geek par excellence. Scott Pilgrim, je sais pas si toi, Chauve, t'as déjà entendu parler. C'est basé d'un comic, mais pas très connu ici. C'est un comic, c'est pas très connu chez nous, mais... En gros, l'histoire est un peu con, il n'y a pas d'autre mot. C'est Scott Pilgrim, en fait, qui tombe amoureux d'une fille. Enfin, c'est un peu un jeune loser qui est dans un groupe de rock, qui sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie, etc. Mm-hmm. Et en gros, il tombe amoureux d'une jeune fille dont je ne retombe plus sur le nom. Tu l'as ? Non. Mais bon, elle a les cheveux mauves au début. Oui, elle change de couleur tout le temps, d'ailleurs. Okay. Et le principe, c'est qu'en fait, il doit... pour pouvoir sortir avec elle et rester avec elle, en fait... Il va devoir battre ses 7 ex maléfiques. Voilà. La fille, elle a 7 ex, et qui ont tous des pouvoirs qui sont un peu maléfiques, et il va devoir les combattre les uns ensuite des autres. Mm-hmm. Donc c'est vrai que dans le comics, j'ai eu l'occasion de lire quelques pages, ça rend relativement bien. Parce que... En fait, on se demande un peu ce qui arrive dans Scott Pilgrim. Si tu sais pas, si tu vas voir le film sans info, tu te dis pourquoi est-ce qu'il commence à se battre comme ça, d'où il a ses pouvoirs. Parce qu'en fait, il y a des références partout. Dans le comics, c'est comme ça. On a l'impression que c'est écrit par un gros geek. Il y a plein de références à des jeux vidéo. Il chope de temps en temps une vie, il passe là. Ouais, c'est fun, dans le film, c'est bien rendu. Il y a plein de petites références partout. Et dans le comics, ça donne bien parce que ça reste de la BD. Donc, ça part dans tous les sens, mais c'est pas gênant dans une bande dessinée. T'as l'habitude que parfois, ça n'est pas vraiment une cohérence. Tu ne te poses pas autant de questions. J'ai trouvé que dans le film, par contre, c'était un peu plus gênant, parce que en plus, comme c'est condensé en un film, mais c'est trop comics, court, je ne sais plus combien de tomes, mais il y a plusieurs tomes, c'est trop condensé, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est brut de décrochage, tu arrives et ça enchaîne. Ça enchaîne les vilains. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu les enchaînements assez forts comme ça, je trouvais ça bien fait quand même. C'est par exemple Scott Pilgrim est dans une pièce, admettons, il discute avec son coloc, il va ouvrir une porte et sans que la caméra coupe ou qu'il y ait un enchaînement quelconque, il va se retrouver dans une salle de concert à jouer. Donc en fait, tu vas voir l'ouverture de porte et la caméra va se mettre de telle manière, c'est super bien fait. Non mais il est bien réalisé. Que tu vois pas le décor derrière qui bouge et tu vas te retrouver dans une salle de concert et il aura sa guitare à la main, il va arriver au micro et il va jouer quoi. Et ça va en faire de... Visuellement, il y a des trucs super sympas. Hein. Mais le problème, justement, c'est aussi un problème, c'est que ça bouge trop vite tout le temps comme ça. Il y a des moments où tu ne suis pas trop et tu ne sais plus trop où tu en es parce que ça embraye tellement vite, ça passe tellement d'un endroit à l'autre que... C'est bizarre parce que j'ai envie de plus l'apprécier le film, mais j'ai envie de l'apprécier parce qu'il y a beaucoup de références. Enfin, il m'a pas déplu, hein, mais... C'est un peu trop, et puis c'est un peu trop... Faire des tendances un peu Jones avec du rock partout. La musique est pas mauvaise. Non, enfin, c'est acceptable. Quoi. Je sais pas. Je me suis un peu. Puis je m'attendais plus aussi du réalisateur. C'est le réalisateur. Oui, oui, c'est celui qui a fait Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Enfin, c'est Edgar Wright. Parce qu'ils l'ont fait à deux, Shaun of the Dead. Hot Fuzz est excellent aussi. Donc ce sont... J'ai vu il y a pas quelques mois. Bon, oui. Mais c'est un bon réalisateur, c'est clair, mais il y a plein de bonnes trucs. Il a c'est envie, très bien on voit qu'il avait envie de faire le film. Et mais... avec des effets spéciaux, par moment, la bataille où ils jouent de la musique, ouais, ils sont contre les deux jumeaux. Et avec le combat de son, t'as les ondes qui passent, c'est super bien fait. Ouais, ouais. C'est beau, franchement. En plus, je l'ai en haute définition, et franchement, ça rend super bien. Ouais, non, je suis d'accord avec mais toi. Je me suis ennuyé. Après la première heure, parce que ça dure comme deux heures. Je regardais le temps qui s'est passé, j'espérais arriver au bout parce que j'avais envie de l'apprécier, mais... Ouais, pareil, wow, quoi. J'avais envie de plus l'apprécier que je l'ai apprécié, alors, ce qu'on peut se dire, c'est quand même que, bon, quand tu lis le comics, ou même dans le film, tu peux quand même te dire, bon, ne pas prendre ça du tout au premier degré, de toute façon, il faut pas, sauf que c'est déjà clair et net, mais tu peux te dire que c'est, entre guillemets, ce qui se passe dans sa tête de jeune geek, quoi. C'est comment lui voit son parcours initiatique pour arriver à la conquérir et se comparer à ses ex. Tu peux imaginer quelque chose comme ça si vraiment tu as envie de prendre ça au premier degré. Mais même en sachant ça, je sais pas, ça manque, j'ai l'impression que ça manque parfois un peu de rythme, mais que c'est un peu répétitif, les combats qui reviennent tout le temps. Ouais. Ça s'enfile les 7 ex sur 2 heures de film. Même pas, parce qu'au début il y a quand même une petite intro avant et il présente. Donc après un moment, il arrive, un ex, il le bat, il repart au suivant. Bon. Puis il y en a qui sont moins bien aimés que les autres. Hein, oui, tu te demandes, du moins il est là par hasard, quoi. En gros, tu te demandes un peu. Tu suis pas toujours tout en fait. Non, ça part tellement dans tous les sens que tu n'as pas une continuité. Mais sinon, il y a des moments marrants. Ouais, avec son colocataire c'est homosexuel. C'est pas excessivement mauvais. Hein, mais... Tu vois, avec son colocataire homosexuel, oui, j'ai ils sont l'impression dans un tout petit studio. C'est gentil, merci. Allez, chier. Non, mais pour expliquer, si tu veux. Genre, ni colocataire ni homosexuel. On n'est pas colocataire, ça c'est sûr. Et on est femmes tous les deux, mais bon, c'est pas pour de autant. Rien donc je suis curieux. Ils vivent dans un petit studio, tu vois, en fait, tous les deux. Et il a un colocataire homosexuel, et dans ce tellement petit qu'ils n'ont qu'un lit. Donc ils sont tous les deux, ils dorment tous les deux dans le même lit, en fait. Un petit peu ambigu, mais bon, ça. Et tu vois parfois des scènes où tout d'un coup ils se réveillent, et, parce que son téléphone sonne, et c'est Ramona, voilà, Ramona la fille. Ouais, Ramona. Et par exemple, elle est au téléphone, elle lui annonce une mauvaise nouvelle ou je ne sais pas quoi. Il va discuter avec elle au téléphone, mais la caméra est de. Encore une fois, c'est toute une question de plan et de réalisation, ça c'est très bien fait. Oui, c'est très bien réalisé. Tu ne vois pas ce qu'il y a à côté de lui, donc tu vois qu'il est au téléphone, et puis une fois qu'il raccroche, tu vois le mec à côté. Tu vois le coloc à côté qui se relève, qui dit par exemple largue là, et puis à côté, t'as un autre mec qui se relève, et tu comprends qu'ils ont fait des choses pendant du tout. Et qui dit largue là aussi, quoi. Mais des petites scènes comme ça, tu rigoles, oui. Il y a plein de petits. C'est bizarre, parce que quand on y pense, il y a plein de petits moments, mais en fait, il est assez chiant. C'est trop linéaire et répétitif avec les ex. C'est trop condensé. Voilà. C'est dommage parce que il y a de très bonnes idées. Ça pouvait être un film génial. Et au lieu de ça, bah voilà. Un petit peu du gâchis, quoi. Ouais. Moyen, je veux dire. Un peu trop long. On peut peut-être faire en deux films, je sais pas. Peut-être il y a moyen de faire plusieurs choses, mais bon. Enfin voilà. Sinon, pour continuer sur les films, parce que j'en ai vu plusieurs récemment. J'ai vu un film que je me promettais de voir depuis très très longtemps et qu'on m'a recommandé et que j'ai trouvé génial. C'est Le Guide du Voyageur Intergalactique. T'avais jamais vu H2G2 en français. Hein. Tu vas nous le faire en anglais cette scène? Non, parce qu'il va se moquer. Donc, vas-y, allez, fais-toi plaisir, je sais que t'en as envie. C'est Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Oh, voilà, de Hitchhikers, comme je le dis en la française. Mais je n'avais jamais vu ce film-là, et pourtant, Dieu sait que j'en avais envie. Ah, c'est excellent. Et j'ai profité de ma semaine ici de repos pour le regarder. Et franchement, une vraie perle. Ouais, c'est... pas pour tout le monde, ça par contre, je pense que c'est quand même un petit peu l'humour et un petit peu spécial. Spécial, il faut aimer, mais... Un petit peu britannique. C'est... On voit que c'est un film qui n'a pas vraiment d'ambition, qui ne va pas dans la débauche des faits, qui n'a pas de... Il n'y a rien d'extraordinaire là autour, mais tu te prends dans le film et j'ai pas décroché, j'ai pas une seule seconde regardé le temps et c'est extra... et ça m'a donné qu'une envie, c'est lire le bouquin. Ouais. Parce que franchement, quand il parle du guide justement, du guide du voyage intergalactique, que t'as les petits interludes comme ça avec la voix qui te présente façon vieux documentaire un peu pourri des années 50 et qui te présente le guide intergalactique et ce qu'il contient. Et donc, est-ce que tu gardes une serviette avec toi en permanence? Ben non, oui, j'avoue, mais non, c'est très important, je trouve. Si un jour, on va le dire à la femme de l'ONU d'ailleurs, l'ambassadrice, qu'il faut avoir une serviette pour quand les extraterrestres débarqueront. Okay. Ça, c'est l'élément le plus indispensable de toi. D'ailleurs, si tu veux, je te passerai ce film-là, je te le prêterai parce que tu. Mm-hmm. Franchement, il faut que tu vois ça. Je crois que toi, tu aimerais, franchement. C'est... Ouais, ça marche. Et d'ailleurs, je vais avoir les livres à Noël parce que j'ai demandé à en avoir, du moins le premier. Parce que je me souviens, il y en a 5, c'est ça? Je ne saurais plus. Je crois que c'est 5, ouais. Mais franchement, ouais, non, mais c'est fun. Les acteurs sont bien. J'aime bien. C'est Zoé Deschanel, non? Mm-hmm. J'aime bien. Pour te resituer un peu l'histoire. D'ailleurs, après ça, il faut que j'embraye sur. Enfin, il y a un autre film que j'ai aimé avoir suite à avoir vu celui-là, justement, c'est Moon. Ah, Moon, c'est excellent. Parce qu'on m'a dit aussi que c'était génial et j'ai pas encore vu non plus. Ouais, excellent. J'ai vraiment du retard. C'est honteux qu'il soit pas sorti en salle en France. J'ai beaucoup ici. De retard. Enfin bon, ça j'embrayerai après, je ne l'ai pas encore vu donc je vais pas. Mais pour te resituer rapidement, enfin essayer de resituer l'histoire, parce que c'est pas non plus toujours évident. Oui, c'est à lui que je. Sur le guide du voyageur intergalactique, c'est en gros un mec qui vit dans la campagne anglaise, banal, ouais. Et qui. Mais en plus. Dans ce film-là, c'est... on ne te situe pas vraiment, on t'arrive dans l'action. Ouais. Tu arrives et tu dois accepter ça. Quoi. Et on menace de détruire sa maison d'ailleurs, donc il se réveille un matin en pyjama et on veut faire passer une autoroute, donc on veut démolir sa maison. Et puis alors, t'as un ami apparemment qu'il a rencontré il n'y a pas longtemps, si on comprend un peu près dans le film. Ouais, un black rencontré il n'y a pas si longtemps, c'est pas très clair, mais qui vient et qui lui dit de venir parce que ça va être la fin du monde, que sa maison sera de toute façon détruite, qu'il faut qu'il vienne vite boire des bières. Donc il est 9h du matin, ils vont siphonner des bières parce que ça va être la fin du monde. Il prend une serviette parce que c'est très important d'avoir une serviette avec soi. Je sais pas du tout pourquoi. Mais ça l'est. Et tout d'un coup, effectivement, il y a un grand vaisseau qui arrive. Et mais là, par exemple, le genre de référence est très marrante. Tu vois au début les bulldozers qui arrivent à sa maison qui crient dans un parlophone. Qui doivent démolir la maison pour tracer une grande autoroute, et puis t'as le vaisseau extraterrestre qui arrive, un vaisseau énorme qui fait je sais combien, pour aussi construire une autoroute, et qui dit on doit détruire votre planète pour construire une autoroute intergalactique, veuillez dégager, on doit détruire votre planète. Mais pareil, le gars du bulldozer lui dit il y a une circulaire qui est déposée à la maison communale, enfin quelque chose comme ça depuis des mois. Puis le vaisseau arrive et dit oui, ça fait des mois qu'il y a une circulaire qui est déposée sur Omega du Centaure, vous n'aviez qu'à vous renseigner, on va détruire votre planète. Et alors, c'est tous des moments de délire comme ça. Et lui, bon, en fait, son copain est un extraterrestre, en réalité. Il le découvre à ce moment-là. Et il fait du stop et se fait embarquer dans le vaisseau extraterrestre. Et là, découlent les aventures dans l'espace. Et puis, le robot, enfin, il est excellent, hein, le robot. Oui, il rencontre le président, je ne sais plus son nom. Le président galactique, en gros, a fait construire une navette où tous les instruments de bord doivent être heureux, l'ordinateur de bord doit être heureux, ça doit être une navette géniale, on fait la fête. Il se retrouve embarqué avec ce... Il a piqué la navette, en fait, pour être parti pour une quête, pour avoir la réponse à la grande question. Hein, et ça, non. Je passerai après, justement, à ça. Je ne spoil pas, hein, parce que je le regarderai. Dans le... Oh, mais ça, c'est... tu l'as déjà lu sur le net. 42. Hein. Tu cherches 42 sur Internet, tu trouveras que c'est la grande réponse à la grande question de l'univers. C'est 42. Okay, d'accord. Mais oui, non, c'est complètement barré comme film. Mais alors, il se fait embarquer là-dedans, dans le vaisseau, et le robot qui est dans ce vaisseau-là, un robot serviteur, en gros... On a tellement marre d'avoir les instruments autour de lui qu'il est devenu dépressif. Il en a marre d'avoir tout le monde heureux. Il est excellent, et ce robot dépressif. Il est complètement dépressif, quoi. C'est extraordinaire. Et il est génial. Ouais, super fun. Faudrait que je le revoie. Tu m'as donné envie. Alors, de temps en temps, tu vois, en fait, il y a un grand guide qui fait foi, on va dire, dans l'univers. C'est le guide du voyageur intergalactique. Et en gros, tous les instants, quand on te présente quelque chose, une race ou autre, t'as une sorte de petite interlude où tu as une. Comme dans des vieux documentaires. Un peu à la Fallout, je trouve. Ouais, enfin, façon vieux un documentaire un peu l'humour de Fallout 2, tu vois. T'as une voix qui, une voix off qui te parle avec quelques animations 3D et qui t'explique ce qu'il est, ce qu'il en est de cette race-là, pourquoi ça, et en expliquant comment c'est présenté dans ce livre, cette encyclopédie intergalactique en question, quoi. Mais c'est, enfin, c'est complètement barré de bout en bout. J'avais jamais vu ce film-là. Je ne regrette pas l'expérience. Mais non, c'est, tu ne te lasses pas à un seul moment, quoi. C'est, voilà, c'est vraiment soufflant, quoi. C'est, ouais, très fun. Enfin, sinon, à part ça, en vitesse. J'ai été voir quand même le dernier Harry Potter. Ouais, voilà, histoire de compléter un peu la saga. Bon, encore un après. Ouais, mais bon. Il se finit d'une manière assez brusque. Hein. Moi, j'ai pas lu les livres. Je me suis dit, ah ouais, c'est la fin. Mais c'est normal. Ouais, c'est logique, mais. Il divise le dernier livre en deux, donc. Mais ça t'a pas quand même un petit peu fait. Oh, ok. Bah, tu vois vraiment que c'est l'introduction. T'as l'impression que c'est le début d'un film. Ouais. Enfin, que c'est l'introduction. Mais c'est pas mal, hein, sinon. Enfin, non, c'est bien. Parce qu'en fait, il te. Si je suppose que tu l'as entendu, je vois. Il divise le livre en deux. Oui, ça j'ai entendu. Pour difficile de ne pas l'entendre. En même temps, c'est quand même des livres assez gros. Ouais, mais bon, c'est ça peut être justifié. Ça peut être justifié, mais il a quand même fait des coupes sur les trucs avant. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas refait là? Ouais, bah profiter de la fin de la licence. Voilà. Question d'argent. Qui n'est pas en 3D contrairement à ce qu'il avait annoncé d'ailleurs au passage? Ils avaient annoncé que ce serait en 3D, mais. Ouais, bah, moi non plus. Et que c'est ça le prix de lunettes qui tiennent pas quand on a des lunettes. Et qui donne mal au crâne après un moment, oui. Le seul film que j'ai apprécié en 3D, c'est Avatar en IMAX, et c'est tout, quoi. Ouais, là, évidemment, si tu vas dans le... Même si le film en lui-même pas terrible... Non, mais il était impressionnant, voilà. Juste d'un point de vue 3D. Mais bon, bref, Harry Potter, c'était juste pour... J'ai suis quand même regardé enfiler le 5 et le 6, parce que je me rappelais plus trop de l'histoire. Moi, j'ai juste été le voir. Un petit peu largué, donc je me suis retapé le 5 et le 6 les deux jours avant, et puis j'étais voir celui-là, et ça va, je me suis un peu mieux resitué, mais... Il n'est pas extraordinaire, il se passe pas grand-chose, il est un peu... Non, il est un peu plus lent que les autres, ce qui ne lui fait pas de mal. Ron est toujours aussi moche, on se demande ce que Hermione lui trouve, parce qu'elle est plutôt bonne. Bon, ça c'est un avis personnel. Et là, il a une tête de cocker avec des cheveux roux, attends. Ah, les roux, c'est encore pire que les canadiens. Donc, non, mais ça c'est bon, c'est une aparté. Mais... Enfin, voilà. Ah, j'ai vu un documentaire, maintenant j'ai repensé, j'ai vu un documentaire sympa, c'est Dracula, et c'est sur... Dracula. Non, c'est sur la région des... Là où il... Non, en Italie, les Abruzzes, là où il y a eu le tremblement de terre. Non, pas les Abruzzes. Je veux pas. Enfin, tu vois. Bref. Et c'est sur comment Berlusconi a profité de ça pour remonter dans les sondages et tout ça. Mm-hmm. C'était intéressant. Il faut aimer les documentaires. C'est comment le titre? Dracula. Ah oui, oui. Ça, elle avait déjà, la fille qui l'a fait avait déjà fait un documentaire qui critiquait Berlusconi avant. Enfin bon, c'est logique de critiquer ce connard. Oui, plutôt. Pas de politique dans le podcast, s'il vous plaît. Pardon, je t'ai... Bah voilà, ouais, c'était pas mal. Ah. Et Moon, par contre, je te le conseille. Bah c'est le prochain qui est dans... Et toi aussi, tu devrais. C'est un des meilleurs films de science-fiction de la dernière année. Écoute, je prends des notes de mémo, là, plutôt. Mais je vais te passer, déjà, le guide du voyageur intergalactique, ouais, c'est je te le donne. Scott Pilgrim, si tu le veux vraiment, je peux te le filer, mais... Non, mais Moon, par contre, je vais pas vous spoiler, mais c'est très petit budget, excellente performance. Non, enfin, en même temps, le... merde, j'ai un trou sur son nom, l'acteur. Moi aussi. Je ne tombe plus sur son nom. Qui est le, par contre, qui le réalisateur, même, c'est le fils de David Bowie. Quelle référence. Bah, à David Bowie. Je rigole. Je rigole. Ouais, c'était vraiment un très bon film. Et sinon, j'ai vu Les Brigades du Tigre. Je sais pas ce qui m'a pris de m'aventurer là-dedans. Avec Clovis Cordiac et Edouard Bell. Mais justement, c'est ce qui m'a... En fait, j'avais regardé Scott Pilgrim, je m'étais fait chier, donc je me suis dit, je vais regarder Le Guide du Voyageur Intergalactique, parce que je me suis dit, comme ça, on m'a dit que c'était celui-là, c'était un bon, une valeur sûre. Je ne serais pas, je m'endormirais pas dégoûté, donc j'ai regardé celui-là. Et puis, j'ai fait ça sur une après-midi, en voyant qu'au soir il y avait ça, je sais pas, je suis tombé dessus, j'ai voulu regarder. J'ai pas été jusqu'au bout. C'est étonnant, n'est-ce pas? Par contre, je sais pas si t'as regardé des matchs de NFL, t'as regardé le match des Saints, Cobas? Je l'ai pas regardé, non. Mais il a quand, l'air, Ouais, ben, quand j'allume la TV, je vois 17-0. C'est bon, on toujours, là. Ouais, ben, on parle de NFL. Non? Je me disais que c'était bizarre comme sujet, mais vas-y. Non, mais on parle des en vrac, là. C'est en vrac, quoi. Ouais. Oui, c'est du gros en vrac. Ouais, oui. Sinon, les codas, ils sont défoncés depuis... Sinon, j'étais au restaurant hier, j'ai goûté un vin... On s'en fout. Depuis le début de la saison, et 17-0, tu te dis, bon, c'est bon, le match, c'est fini. Et au final, ça s'est joué dans les deux dernières minutes, quoi. Ouais. Mais j'ai une question, à quand votre podcast, justement? Bah, je sais pas. Foot US. Quand j'aurai le temps de me préparer. Alors, vous ne l'aurez jamais. En gros, si je résume, il n'y aura jamais de... Non, mais voilà un petit peu en vrac. Oui, non, mais je... Mais voilà, moi j'ai rien d'autre que j'ai vu qui m'a vraiment plu, je pense. Mais je pensais que j'avais encore un film, mais je... Non, je... De toute façon, on arrive à la demi-heure, hein. Ouais, de toute façon, on va tout doucement... Se quitter, dire au revoir. Se quitter, quand tu laisses podcast. Se dire au revoir. Sniff. Oui. Sniff, sniff. Non, ben voilà, moi je n'ai plus rien à dire, personnellement, je regardais quelques séries comme d'habitude, mais bon. Ouais, mais ça, tout le monde le fait. Ouais, voilà, je vais pas commencer à entrer en détail là-dessus, spécialement. Donc ben voilà, on va s'arrêter là, les enfants, je pense. Oh, je suis à court, ouais. Tu es à court. Moi aussi. Parfait. Ben donc on va dire alors au revoir à nos nombreuses auditeurs, nombreuses chauves, tout à fait. Nos nombreuses fans. Alors, petit tour de table final, peut-être, sur ce qu'on vient d'enregistrer. Stetson Non. Leslie Nielsen, il s'est pourri. Oh, merci Stetson. J'aime bien faire des sujets qui sont pourris. Non, mais c'est pour rigoler. Non, mais... Voilà. Globalement, ce podcast, c'est, ouais, c'est bien. Ça améliore un petit peu, hein. Ah, on commence à... Ça devient un petit peu plus naturel, on va dire. Voilà, on commence à prendre le pli. Un peu moins d'hésitation, un peu plus Faudrait... professionnalisme. Ouais. Faudrait ? Non, mais faut manquer peut-être un peu d'interaction à certains moments, mais... Ouais, bon, c'est pas toujours... C'est les sujets plus, qui me... Voilà. S'y prêtent pas. Chauve, un commentaire... Merde. Final. D'accord. Bon, bah, donc on va vous laisser ici, alors. Cette fois-ci, je ne vais pas dire l'HTCOM. J'espère bien. Vas-y, l'HTCOM. Déjà, je n'avais pas dit l'HTCOM, j'avais dit lâchez vos commentaires. L'HTCOM, mon frère. Vas-y, l'HTCOM. Donc, c'était différent. Donc, Pépé Télécom. Alors ici, ben, ce podcast-ci, on va essayer de le faire un peu plus en décembre. Faire un petit peu plus de publicité. Seulement si vous lâchez vos com. Parce que les deux premiers étaient peut-être moins... Voilà, celui-ci, je trouve qu'on... prend notre rythme, il est plus présentable. Celui avant, je trouve que c'est... Ah oui, moi aussi, mais celui-là est bien, donc on va... Voilà, on va essayer de faire un peu de pub, de relancer un petit peu tout ça, de lancer la machine. D'éviter de glander trois mois avant de faire le suivant. Voilà, d'inviter des gens venir sur notre forum pour interagir un petit peu avec nous, ça pourrait être pas mal aussi, ça. Ils verront comment vous trichez tous les deux au blind test. Arrête. Arrête ça. Tu... C'est mesquin quand même. Ouais, parce qu'il est nul, il se permet de... Ouais, donc sinon, bon, Stetson, on te retrouve nulle part. Hein, tu n'as pas de vie de cyber. Je joue, moi, c'est tout. Je joue et je vais au cinéma. Stetson est un no life, c'est le terme. Chauve, où peut-on te retrouver? Bah, toujours sur chauve-lente.net, mais j'y suis jamais, donc... Donc vous le retrouverez pas. Il n'y a pas vraiment de mise à jour pour le moment. C'est ça, quoi. Ça viendra, mais... Un jour, quand il y aura plus de copines. Représentera. Pour le moment, c'est pas le moment. Bon, et moi, petit autopromo alors aussi, vous pouvez me retrouver sur kirbyland.net, qui, par contre, lui, est mis à jour. Il y a des articles qui tournent de temps en temps. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un article tous les mercredis? Ça par contre, ça devient très difficile à gérer. Mais il y a des articles fréquents quand même, c'est mis à jour. Hein, ça, je respecte quand même mes lecteurs. Et, sinon, pour le podcast, vous pouvez nous retrouver sur bg-show.be, hein, l'adresse habituelle. J'ai fait quelques modifications au forum pour qu'on puisse accéder au blog et aux différentes choses directement à partir des liens du forum. Quel graphisme a été refait ? Le graphisme, la bannière du moins a été refaite. Et d'ailleurs, si vous êtes graphiste dans l'âme, n'hésitez pas à venir vous présenter, on embauche. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez une idée pour... Parce que faut avouer que le BG Show n'a pas encore son... Comment expliquer ? Logo. Son logo, son apparence visuelle, son... Sa peintre. Enfin, je ne tombe plus sur le mot que je cherchais. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur l'autre podcast alors et l'autre site, Umino Team, comme je le disais tout à l'heure, qui lui traite de bandes dessinées, de séries et d'animations. essentiellement. Et donc le premier numéro du podcast a été enregistré avec notre illustre chauve et Monsieur Morphal. Donc il parle de Kaamelott. C'est une petite heure assez agréable, je trouve, à passer. Tout à fait, tout à fait. Et le prochain, normalement, sera consacré, attention teaser, à Walking Dead, avec si notre ami Stetson veut bien se joindre à nous. Ah non, hein. Voilà, il a dit un nom, donc. Une quatrième personne pour en parler avec nous. Voilà, donc, je pense que c'est tout, on va s'arrêter là. Pour la musique de fin, donc, Monsieur Chauve, c'est à toi de choisir. Que vas-tu nous proposer ? Dans le désir. Beverly Hills. Non, plus sérieusement, tu veux pas parler de ta compile ? Ah si, oui. C'est un peu. Il est occupé en train de CS sur en texto. C'est pas tout à fait dans le ton de. C'est pas triste, mais ça fait découvrir aux gens. Oui, tout à fait. Donc vas-y, parle-nous. Qu'est-ce que tu as oublié de mix ? Je suis vite de mix, c'était une connerie de compil électro que j'avais fait dans mon jeune temps, je sais plus quand c'était, 2004, un truc comme ça. Et mineur. Non, j'étais majeur en 2004. Et bon, j'en ai refait une deuxième il n'y a pas longtemps, vachement plus dark. Et voilà, ça m'a pris le temps, 6 ans après la première édition. Voilà, on a refait une. Voilà, donc je vais répéter un petit morceau pour comme générique. On aura droit à un petit extrait en générique. Je le ferai péter sur le forum et sur mon blog. D'accord, donc on pourra retrouver la compil Chauve in the Mix sur chauveland.net. Donc si vous aimez bien la musique électronique assez sombre, puisque pour celui-ci t'as fait. Ouais, celui-ci est bien dark. Le premier est vachement plus électronique, plus calme. Celui-ci est bien dark. Voilà, donc si vous aimez bien la musique électronique, n'hésitez pas et à donner votre avis et à venir. Tout à fait. Et à venir écouter. Voilà, je crois que c'est bon, niveau timing on est encore bon, donc on est vraiment des balèzes. Donc on se retrouve au mois de janvier, logiquement, si tout se passe bien, on enregistrera un numéro au mois de janvier. Peut-être un numéro 3.5 entre-temps enregistré avec Chauve, si j'arrive à faire les coupes nécessaires pour pouvoir le sortir, ouais. Et avoir quelque chose de cohérent. Et d'ici là, voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes, pour ceux qui aiment bien les fêtes de Noël. Voilà, au mois prochain alors. Au revoir. Au revoir. J'ai véritablement un hit connection dans la bagnole. Merci Joe. Sans blague.